Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la radiodiffusion télévision française vous invite à écouter, en transmission différée, la comédie donnée actuellement au Théâtre de la Renaissance à Paris, directrice Madame Vera Coren, qui présente, avec les spectacles L'Imbroso, une pièce de Hugo Betti, La Reine et les Insurgés, adaptée par Yves Brinville. Mise en scène par Michel Vitol, décors et costumes de Jacques Noël. Monsieur André Ransan, qui assure la présentation du spectacle, vous parle. La régénération par le sacrifice. Tel est bien le thème essentiel, le thème profond de cette pièce d'Hugo Betti, La Reine et les Insurgés, que vous allez entendre. L'action nous transporte dans un pays en révolution, époque et lieu indéfinis. C'est une révolution type du modèle courant, valable pour tous les siècles et toutes les latitudes. Les insurgés recherchent la reine qui est en fuite. Or, au cours de l'interrogatoire des personnes arrêtées, les policiers croient reconnaître l'ex-souveraine dans une femme du nom d'Argia. Grossière erreur, car cette Argia n'est autre qu'une prostituée. Il serait certes bien facile à cette dernière de prouver sa véritable identité et de sauver sa vie. Mais voici qu'à la suite de certaines circonstances, Argia, qui a conservé au fond d'elle-même une parcelle d'honnêteté, comprend qu'elle ne peut se sauver qu'au prix d'une lâcheté, c'est-à-dire en livrant à la mort des innocents. Elle repousse donc le salut qui lui est offert et marche au supplice avec la dignité d'une héroïne. L'âme de la fille publique devient ainsi une âme de reine. Telle est en gros et à la lumière de son personnage principal le sujet de la reine et les insurgés. On voit qu'il s'agit bien, comme nous le disions, d'une régénération par le sacrifice. Cette femme humiliée, descendue si bas, à la faveur des circonstances, accède à la libération de son âme. Cette créature déchue, qui a touché le fond de l'ignominie, parvient à se délivrer de sa fange en suivant le chemin montant de la purification et de la grâce. Certes, on peut voir aussi dans l'acte d'Argia autre chose que le seul désir de se purifier. La volonté de sortir d'une condition d'esclave pour devenir, au moyen de l'élévation morale, un être souverainement libre. Mais cet aspect du problème ne change rien à l'idée initiale de régénération. Au contraire, il nous y ramène directement, puisqu'il ne saurait y avoir pour l'homme de vraie liberté sans une conscience pure. Argia blanchi, sanctifié par son sacrifice, dira avant de mourir « Je m'en vais, mais riche, riche de sa pureté retrouvée. » Ainsi avons-nous là réduite aux dimensions d'un drame intime la haute pensée du rachat des fautes par la souffrance et la mort, autrement dit la pensée même de la rédemption, dogme essentiel de la théologie chrétienne. On sait que ce thème rédempteur, dans le roman comme au théâtre, a été très souvent utilisé. Nombre d'auteurs l'ont développé dans des ouvrages célèbres, entre autres Tolstoï dans Résurrection et Dostoïevski dans Crime et Châtiment. Mais Hugo Betti, sans prétendre renouveler cette vaste et éternelle question de la purification des âmes, a su lui donner un tour original et la marque de sa vigoureuse personnalité. Hugo Betti, trop tôt disparu, reste l'un des plus grands dramaturges de l'Italie contemporaine. Paris n'a pas oublié la forte impression que fut la révélation de ses pièces, Corruption au palais de justice, Pas d'amour, Irène innocente et surtout ce chef-d'œuvre, L'île des chèvres. Un monde de passion, brûlant, vibrant, taillé en pleine pâte humaine, des personnages de chair et de sang d'un relief saisissant, une poésie à la fois âpre et tendre, un lyrisme harmonieux qui s'est sallié au réalisme le plus violent. Telles sont les qualités maîtresses du Gobetti qu'on retrouve dans La Reine et les Insurgés. La pièce, plus psychologique que poétique, est admirablement conduite. L'atmosphère pathétique créée de main de maître, le dosage des coups de théâtre savamment établi. Un mélodrame, a-t-on insinué ? Peut-être, en apparence, vu de loin et de l'extérieur, mais vu de plus près et du dedans, un mélodrame supérieur qui ne manque ni de force, ni de caractère, ni même de grandeur. Yves Brinville a traduit et adapté cette œuvre en homme de théâtre, avec beaucoup de soin, de goût et d'intelligence. Le texte français qu'il nous propose est clair, net, direct, sans bavure. La pièce est supérieurement jouée par Edwige Feuillère, bouleversante Argia, Michel Vitold, qui par ailleurs a fait une très vivante mise en scène, Michel Piccoli, Maria Pacom, Michel Salina. Grâce au dévouement et au talent de tous, ainsi qu'à l'heureuse idée qu'a eue Madame Vera Coren d'accueillir cette pièce dans son théâtre, la mémoire d'Ugo Betti reçoit ici un légitime et fervent hommage. Le décor, unique pour les quatre actes, représente la vaste salle d'un château, en partie démolie et où règne le plus grand désordre. Au lever du rideau du premier acte, la scène est vide. C'est la fin du jour. Entre un homme d'un air modeste et d'un assez grand âge. C'est le portier. Entrez ! Voilà. Attendez ici. Oui, c'est l'ancienne mairie. Autrefois, c'était le château. Pendant la guerre, ça a été un hôpital militaire. Ensuite, c'est redevenu la mairie. Et maintenant ? On aurait peut-être aussi bien pu attendre dehors. Bah, ici, vous pouvez vous asseoir, c'est déjà ça. On aurait préféré repartir tout de suite. Ouais, bien sûr. Au besoin, vous aurez même la place de vous étendre pour dormir. Ben, espérons que nous n'en aurons pas l'occasion. On nous a dit que ce sera un arrêt très court. Juste le temps de laisser refroidir le moteur après cette montée. Bien sûr, les côtes sont raides par ici, ça grimpe dur. Voilà déjà deux fois qu'on examine nos papiers. Je suis ingénieur. Croyez-vous qu'il y ait une raison spéciale à cet arrêt ? Bon, je suppose que vous allez repartir très bientôt. Mais alors pourquoi nous faire attendre ? Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi, mon cher monsieur ? Je ne suis que le portier. C'est-à-dire, je l'étais, en d'autres temps. Depuis ce chambardement, je suis seul, il faut que je m'occupe de tout. Alors maintenant, croyez-moi, installez-vous, mettez-vous à votre aise. Peut-on téléphoner ou télégraphier d'ici ? Il n'y a plus de ligne. Nous sommes coupés du monde. C'est un coin perdu. À la rigueur, je peux vous trouver quelques couvertures. Non, un instant, écoutez. Je parle naturellement pour moi, mais je crois être aussi l'interprète de ces messieurs. Vous comprenez bien que par les temps qui courent, personne ne voyage pour son plaisir. Chacun de nous a des affaires importantes. Légales. Naturellement, sans quoi nous n'irions pas nous exposer ainsi. Mais nous ne faisons pas de politique, nous autres, nous sommes des voyageurs, tout ce qu'il y a de pacifique. Pour obtenir une malheureuse place dans ce camion, chacun de nous a dû payer les yeux de la tête et supplier par-dessus le marché. Et vous allez voir, ils vont vous laisser partir tout de suite. Savez-vous qui commande ici ? Pas moi, monsieur. Moi, je ne suis qu'un échelon, le premier en commençant par le bon. Y a-t-il quelqu'un à qui je puisse m'adresser ? Il paraît que dans la soirée, il y a un général et aussi un commissaire qui doivent arriver. Le tout, n'est-ce pas, c'est de savoir qui va qui vient. Non, mais en ce moment, il n'y a personne ? Bah, les gradés, vous savez, ils sont plutôt difficiles à approcher. Et pas toujours commodes. Le seul qui soit abordable, ce serait encore l'interprète. Mais il compte pour si peu. L'interprète ? À quoi peut bien servir un interprète ici ? Eh oui, l'interprète, c'est un jeune homme instruit. Va pour l'interprète. Eh bien, faites-le venir, votre interprète. Je vous l'amène tout de suite. Je ne crois pas qu'il y ait lieu de s'inquiéter. J'ai remarqué qu'ils ont arrêté d'autres voyageurs aussi. Il s'agit d'un nouveau contrôle, c'est évident. À cause de la proximité de la frontière. En ce qui me concerne, je suis en règle. Si par hasard quelqu'un d'entre vous se trouvait en situation irrégulière, il vaudrait mieux qu'il nous fasse confiance et qu'il l'avoue. Avant qu'on ne nous cherche des histoires à tous. Il circule tellement d'espions du gouvernement que ça n'incite guère aux confidences. Par ailleurs, je veux bien croire que personne n'est en situation irrégulière, comme vous dites. Il faudrait être vraiment très naïf. Eh bien, en ce cas, dans une demi-heure, je pense, nous aurons repris la route. Ah, je ne partage pas votre optimisme. Tout notre voyage a été des plus étranges. Pourquoi cette déviation? Notre itinéraire ne passait pas par ici. Et le moteur n'avait pas tellement besoin de se reposer. Et pourquoi tous ces contrôles? Non, l'hypothèse logique, c'est qu'on recherche quelqu'un. Parmi nous? Ah, il est possible aussi que ce soit simplement bêtise ou brimade pour les 9/10 des gens. C'est ça, la révolution. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, nous pourrions peut-être parler d'autre chose. Ce sont de ces discussions inutiles. Et puis, personnellement, je ne reste pas insensible aux perspectives que nous ouvre ce mouvement. C'est ce que vous pensez vraiment? Vraiment? Peut-être pourriez-vous alors vous dispenser de cette prudence excessive. Il paraît que ça va très mal chez les extrémistes. Vous n'avez rien remarqué tout au long de la route? Quoi donc? De l'autre côté des montagnes, comme un léger crépitement. Ah oui, la... Qu'est-ce que c'était? La fusillade. On se bat dans les environs sur l'autre versant. Tout cela ne tient qu'à un fil. Il est possible que le nouveau gouvernement ne passe pas la semaine. La semaine? Mais vous en avez de bonnes, vous. Il peut s'en passer des choses en une semaine. Ils n'ont pas besoin de 8 jours pour fusiller quelqu'un. Non, je n'ai pas remarqué les bruits, mais j'ai remarqué les odeurs. Avez-vous senti ce parfum par bouffée? Le fumé de l'histoire. Il ne se donne même plus la peine de les enterrer. Voici l'intérêt. Vous sentez ces traîtres, ces espions au service de l'étranger? Mais nous ne sommes pas des traîtres, monsieur, croyez-le bien, ni des espions. Vous faites partie de cette bande de lâches, de ces fidèles loyalistes. Je vous répète que vous nous jugez à tort. Vous êtes des ennemis du peuple. Qu'est-ce que vous êtes venus faire dans ces montagnes? Ici, on se bat et on crève. Alors, quoi, espionner, passer des devises, sortir du pays clandestinement? Nous ne sommes que de pauvres voyageurs, tout ce qu'il y a de pacifique. Oui. D'ailleurs, nos papiers ont déjà été visés plusieurs fois. En outre, je vous prie de croire que le Conseil de la Révolution a notre entière sympathie. Ah oui? Ça, je savais bien que je vous l'entendrais dire. Des exploiteurs du peuple. Je suis sûr que vous êtes bourré d'argent jusqu'à la glotte. Ah non, monsieur? Ah non? Oh les pauvres, voyez-vous ça, vous n'avez pas un sou. Faites bien attention, hein? Mais personne parmi nous n'a plus que ce qui lui est permis. Ah oui? Vous n'avez pas d'or, pas de valeur? Mais non, monsieur, nous voyageons pour des raisons parfaitement légales. Et nous ne demandons qu'à poursuivre notre route avec le camion. Je crains que votre camion n'ait été réquisitionné. Pourrons-nous du moins continuer avec un autre moyen de transport? Non, non, non, la route est bloquée, de plus on a fait sauter tous les ponts. Eh bien alors, qu'on nous permette au moins de faire demi-tour, qu'on nous rende à nos familles! Mais bien sûr, ben voyons, hein. On vient fourrer son nez partout, on retourne à l'arrière et on se met à bavarder. J'ai comme l'impression que vous devrez attendre ici. Qu'est-ce que nous devons attendre? Les contrôles indispensables. De quel droit nous parlez-vous comme vous le faites? Comment de quel droit? Non, mais regardez-moi celui-là qui monte sur ses ergots. Vous êtes interprète, n'est-ce pas? Alors à quel titre attentez-vous à notre liberté? Comment, à quel titre? Oh, mais ça, là! À quel titre, hein? Mais au titre de bon citoyen de la République qui connaît ses devoirs. Je travaille au bien de la République, moi. Et vous? Montrez-moi vos mains. Des vrais mains de curé. Vous n'avez jamais travaillé, vous êtes au moins évêque. Les vôtres ne sont pas mal non plus. Mais bravo, mon révérend. Moi, j'ai les mains de grand pianiste. Dommage que je ne sache pas jouer, hein. Allez, ramasse-moi les papiers de ces individus. C'est vous qui allez les examiner? Non, non, ils seront examinés par le commissaire Amos, qui va arriver. Ou mieux encore, par le général Biante, que vous verrez tout à l'heure. Ça vous convient-il? Amos et Biante. L'importance de ces deux personnages vous paraît-elle suffisante? Bon, en attendant, prononcez bien distinctement le mot « grâce ». Grâce? Centre. Centre? Janvier. Janvier? Ah, oui, prononciation un peu douteuse. Hein? Vous ne seriez pas un de ces cochons d'étrangers? Bon, la vôtre ne me semble pas non plus sonner très juste. Ah oui, mais moi je suis interprète, mon révérend. Je dois malheureusement m'infecter avec des locutions étrangères. Vous certifiez que vous êtes né dans la région du Haut-Redon? Oui. Slave? Non. C'est votre nom qui me fait rêver sur votre origine. Catholique? Non. Réformé, orthodoxe, juif? Je n'ai pas encore fait mon choix. Il faut là vous dépêcher, hein? Non, mais vous vivez de vos rentes. Vous avez une fortune bien assise, hein? De l'or, des titres. Et question politique, quelles sont vos idées? Ah, je ne vous cacherai pas que je porte un certain intérêt à la reine. À la reine? À la reine, oui. Nous verrons si vous ferez autant d'esprit quand nous vous serez devant Amos ou Biante. Alors, montrez-moi vos mains. Tiens, une paysanne. Tiens, même les paysans se mettent à voyager maintenant. Non, non. Vous? Moi, je n'ai jamais travaillé. J'ai toujours eu un grand nombre de serviteurs à ma disposition. Dites-moi, cher monsieur, réflexion faite, votre désinvolture excite un peu ma curiosité. Si vous le voulez bien, nous reparlerons tout ça tranquillement tout à l'heure, tous les deux. D'ailleurs, d'une manière générale, je crois qu'en ce qui vous concerne tous, il faudra que j'examine à fond chacun de vos cas. Que j'essaie d'y voir clair. Horace, dis-moi, tu m'enverras ces messieurs-dames chez moi par petit paquet, ou même un par. Je veux procéder à cet interrogatoire dans le calme. Comprenez-moi bien, je ne suis pas méchant. Mais non, mais au contraire, vous pouvez même trouver en moi un ami. Ici, voyez-vous, c'est une vraie marmite. Les races, les langues, les opinions, les étrangers qui passent la frontière clandestinement, les prêtres avec barbe ou sans barbe. Ce petit trou perdu, c'est le monde raccourci. On se frotte à toutes sortes de gens, alors pourquoi ne pas s'épauler, hein? Les riches et les pauvres et les riches. Moi, je ne demande qu'une chose, c'est à vous venir en aide. Dans la mesure de mes possibilités, bien sûr. Horace, tu me les envoies. À tout de suite. Et vous? Et puis vous aussi. Bon courage. Bon. En somme, c'est bien ce que j'avais dit. Un contrôle. Ouais. Depuis ce matin, ils sont particulièrement sévères. Ils recherchent vraiment quelqu'un? Oh. Il court tellement de raconteurs. La soi-disant reine, il paraît. C'est ce qu'on m'a dit. Mon cher, je trouve que l'histoire de cette bonne femme, cette soi-disant reine, est le signe le plus flagrant du ridicule de notre peuple. Mais elle n'est pas morte il y a 5 ans, cette brave dame? Oui, madame, mais on soutient, enfin, c'est du moins la légende qui est accréditée dans le bas peuple qu'on n'a jamais retrouvé son corps dans la prison. Et pourtant, ils y étaient bien tous. Et vivants. Les ministres, les généraux, etc. Elle y était, elle aussi? Oui, madame. Vous n'avez jamais entendu parler de cette histoire? On a raconté que des soldats, en tirant à travers les barreaux, avaient instinctivement évité de viser cette femme. De sorte que le travail fini, n'est-ce pas, sous tous ces cadavres, tout ce sang... La coquine était saine et sauve. Ça, 4 soldats montaient la garde à un pont dans les montagnes. Vers le soir passe une femme, elle est couverte de sang. Les soldats lui demandent où elle va. Elle les regarde et leur dit « Êtes-vous sûr d'avoir le droit de me le demander ?» Alors les soldats répondent qu'ils ont ordre d'arrêter tout le monde et surtout les femmes. Vous cherchez la reine? C'est moi. Qu'ai-je fait de mal? Ben, elle manquait pas de courage. Oui, oui. Elle a parlé avec un tel calme et repris son chemin avec une telle dignité que le temps pour les soldats de se ressaisir, elle avait déjà disparu dans la forêt. Et bon vent! Et depuis ce jour, selon vous, dans un pays comme le nôtre qui compte plus de délateurs que de feuilles aux arbres, elle a pu disparaître pendant 5 ans. C'est une histoire à dormir debout. Enfin, sincèrement, vous y croyez, vous? Peu de gens la connaissaient, n'est-ce pas? Elle est toujours restée dans l'ombre. Quelle jolie légende! En tout cas, pour quelle raison cette bonne femme ressusciterait-elle maintenant? Elle n'est plus dans la course. Tous les partis la haïssent. Ou l'ont oubliée, ce qui est pire. Et puis, pour quelle raison l'appelez-vous la reine? Elle l'a jamais été. Personne parmi ses partisans les plus serviles n'a jamais imaginé de la tuer à ce point. C'est pourtant ainsi qu'on l'appelle dans le peuple. Ah, le peuple! Le peuple! Mais le peuple a toujours été envoûté par les grands flibustiers. Surtout quand ils ont du sang bleu dans les veines. Mais croyez-moi, elle n'a pas été seulement la compagne aristocratique et blasonnée d'un usurpateur. Elle a été la véritable usurpatrice. C'est elle qui intriguait, qui était le mauvais génie. Oui, le génie caché, la nymphe égérie, la secrète inspiratrice de tous nos désastres. Allez, à vous deux maintenant! Bon courage! Mais allez, qu'est-ce que vous attendez? Moi aussi, naturellement, je la hais. Je la hais encore plus que vous. Mais elle devait bien avoir pourtant un certain prestige. On raconte qu'elle était orgueilleuse. Oui, mais franche. Oui, franche et droite. Il paraît qu'on n'arrivait jamais à lui mentir. Oui, en somme, à ce qui semble, elle ne voulait considérer le monde que sous un certain angle, une certaine lumière. Elle ne pouvait l'admettre que dans la dignité, dans la respectabilité. Tout ce qu'elle disait, tout ce qu'elle faisait paraissait nécessaire et propre. C'est bien ça, n'est-ce pas? Eh bien, il doit lui en coûter maintenant d'avoir à se cacher. Non, pardon. Quand l'avez-vous vue? Moi? Je ne l'ai jamais vue. Avez-vous jamais parlé à quelqu'un qui l'ait vue? Non. Alors, voilà bien l'ignorance du peuple. Voilà comment, en agitant l'image d'un fantôme, l'opposition lutte contre le progrès. Un fantôme qui pèse son poids. Je voudrais bien le rencontrer. Ben, ça y est, on s'est mis à l'aise, hein. On est détendu, on s'en fait plus. On s'amuse à comploter un peu dans les coins pour se distraire. Allez, vite, vite, le général est annoncé. Emmène-moi tous ces gens-là. Installe-les comme tu pourras. Non, non, pas vous. Vous restez ici, j'ai quelques questions à vous poser. Je voudrais, en ce qui vous concerne particulièrement, connaître le motif exact de votre voyage. Affaire personnelle. C'est-à-dire? Il serait préférable que vous me donniez quelques précisions. Tu veux vraiment des précisions, le motif exact? Je m'ennuyais à Rosada, je ne savais plus quoi faire. Tu as cru spécialement drôle de venir ici? Ben, on m'avait dit que tu étais quelque part dans ces montagnes. Chut, quoi, qu'est-ce que tu me veux? Alors tu t'es arrangé avec le nouveau gouvernement, toi? Compliment! Dis donc, tu te bats, tu fais le coup de feu? Je t'ai demandé ce que tu me voulais. Ben, rien! T'en as fait une tête quand tu m'as vu, j'ai failli éclater de rire. Quoi, je te dérange? Non, au contraire. C'est une joie pour moi de te revoir. Je me demande ce que diraient tes chefs d'aujourd'hui si quelqu'un leur glissait dans l'oreille qui étaient tes chefs d'hier. Dis donc, en l'occurrence, ça te va bien de prendre des grands airs. Quand es-tu parti? Il y a 24 heures. Tu as de l'argent? Un peu, oui. Un peu, je m'en serais douté. J'ai tout vendu, mais j'ai pas eu de chance. Oh ben écoute, mon petit, il fallait aller n'importe où, hein, mais surtout pas venir ici. Moi, je m'en suis tiré, mais par miracle. Hein. J'ai dû raconter des histoires invraisemblables. Ça, j'ai pas envie de courir de nouveaux risques. Quoi? C'est moi qui te ferais courir des risques? Ben évidemment. Écoute, comprends, mon ange. Hein? Rosa n'allait pas si loin, hein? Et puis des risques, j'en ai assez avec les miens. Hein. J'en ai même trop. Non, mais toi, t'es une femme, tu t'en tireras toujours. Ah non, mais tu peux pas savoir, ça. Ici, ils sont tellement idiots, soupçonneux, de vrais épileptiques. Et moi, une fois la bagarre terminée, je veux être vivant et riche. Hein? Pour l'instant, il me suffit d'avoir un peu de mémoire, ça m'assure mes rentes pour mes vieux jours. Bah, dis-toi bien qu'on peut voler, trahir, étrangler. Si c'est au profit du vainqueur, on passera toujours pour un héros. Mais si c'est au profit du vaincu, alors, gare à la casse. Moi, je veux finir dans la peau d'un propriétaire. Alors, tous les deux, on pourrait peut-être se donner rendez-vous pour l'échéance. Hmm? Par exemple, au printemps. Si seulement je savais pourquoi tu es venu me rejoindre. Ah, tu m'aimes? Je t'ai manqué! Mais vraiment, je savais plus quoi faire. L'autre jour, on m'a arrêté, figure-toi. Et tiens, non, et pourquoi? Ben, une rafle, rien d'autre. J'étais dans un café sur les boulevards. Et alors? Alors rien, puisqu'on m'a relâché. Seulement, il a d'abord fallu que je passe la nuit au poste. Le lendemain matin, le commissaire a été très gentil. Il m'a dit de téléphoner à quelqu'un qui pourrait répondre de moi. C'est alors que je me suis rendu compte que je connaissais personne. Oh, bien sûr, je connais des gens, mais qu'est-ce que je sais, de quoi? Un prénom, un surnom, et encore, les hommes sont si méfiants. Et puis dans cette pagaille, les uns sont partis, les autres sont morts. Si bien je restais là, avec l'annuaire dans les mains, feuilleté. J'en devenais folle. Et alors? Alors, on m'a interrogé sur mes moyens d'existence. Conclusion, je devais les guerpir. Le commissaire m'a dit que le lendemain matin, je pourrais partir en convoi militaire. C'est bien, je lui dis, mais il faut que je fasse mes valises. Il m'a fait accompagner chez moi par un planton. Je lui ai refilé ma montre au planton. Il a fait semblant de me perdre. Pas un tram, des soldats partout, des rues bloquées, défense de passer. Enfin, je finis par trouver une place dans un camion. Pour me laisser monter, ils m'ont fauché toutes mes valises. Oh, j'en étais malade et il pleuvait, j'avais mal aux pieds. Mes vêtements trempés qui pesaient, un rat mouillé. Voilà ce que j'étais. À peine parti, ça a recommencé. À Berdem, une première déviation. À Malta, une seconde déviation. Et des arrêts, et des contrôles, et des baïonnettes partout. À un endroit, ils ont trouvé que j'en avais encore trop. Ils m'ont piqué mon manteau. Heureusement que je t'ai retrouvé tout de suite. Quoi, Pido? Ça te démangeait de venir t'asseoir sur mes genoux? Ça, je regrette, mon petit, je ne peux pas te le permettre. C'est pour ton bien aussi que je te le dis. Mais c'était pas possible pour moi de rester là-bas, j'avais peur, tu comprends? On pouvait pas m'inculper vraiment, mais avec tout ce qui se passe, tout ce qu'on peut voir, des gens qui disparaissent comme ça du jour au lendemain et sans qu'on sache pourquoi, sur des accusations incroyables, sur de vagues ressemblances. Aïe! Quoi? Il y a des alignements de pendus. Ça, ce que tu me dis là, mon petit, ça ne m'encourage pas du tout à te garder. Des soucis en plus des miens? Non, mais ce serait de la folie. Allez, chacun son chemin. Moi, je veux finir la guerre sur terre et non pas dessous. Ouais. Si je te disais que tu m'as manqué... Mais c'est moi qui te l'ai dit. Tu m'aimes. Je t'ai envoûté. Oh, bien sûr, t'as raison de te moquer de moi, mais quand nous sommes ensemble, tous les deux, je me sens... Je sais pas, je me sens un peu plus en sécurité. J'étais si heureuse quand je t'ai vue, tu peux pas savoir. Oui, ben moi pas du tout. Je vous saisis, mais alors pas du tout. Ryan. En un mot, mon petit, je ne veux pas me charger de toi. D'ailleurs, tu finiras toujours par t'en tirer, si je te fais confiance. Les femmes sont rares dans le coin. Elles ont la grosse cote. Tu es immonde. Ah, il faudrait chercher longtemps pour trouver un type aussi immonde que toi. Ah, ben enfin, je te redécouvre. Mais tu as raison, chérie. Laisse-moi tomber, je ne suis pas digne de toi. Moi, j'éprouverai un éternel remords à te retenir. Dire que je cours après un être pareil et que je reste là à le supplier. Oh, il y aurait de quoi pleurer ou de quoi rire. Ah, c'est ça, allez, ris donc. Allez, payons-nous une bonne pinte de rigolade et puis disons-nous adieu. Ah, tu perds ton temps avec moi. Tu vois, Argène, tes raisons pour lesquelles tu te déplais, c'est ta prétention. Mais non. Tu as toujours voulu jouer les grandes dames avec moi. Avec moi, tu as la nausée, je te dégoûte. Tu es un être si supérieur, toi. Toujours avec l'air de croire que la crasse, c'est chez les autres qu'on la trouve. Mais non, c'est pas ça. Eh bien, au contraire, cher ami, il y a une chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que s'il y a une personne répugnante, c'est bien toi. Je te demande pardon si je t'ai dit tout ça, c'est parce que je t'aime, au fond. Je voudrais tellement que tu sois autrement. Lâche-moi. Je ne suis pas en colère, mais je voudrais simplement t'éclaircir les idées. Tu comprends, Argia, non seulement tu es un poids mort, mais on commence à te voir un peu trop les rides. Moi? Des rides, moi? Mais au contraire, j'ai jamais eu autant de succès. Tiens, tout à l'heure encore dans le camion, tous les hommes me faisaient du grain, chacun à sa manière, mais si, il y en avait même un qui essayait par tous les moyens d'entamer la conversation. Et à la moindre occasion, il me disait des madames, longs comme le bras, et il n'arrêtait pas de me regarder. Ah, mais je te jure, il se conduisait avec moi comme avec une vraie dame. Mais une vraie dame? Quoi, toi? Mais c'est écrit sur ta figure ce que tu es. Y a pas un pouce de ta personne qui soit décent. Et une vraie dame, toi, hein? Et pourquoi pas, hein? La reine, pendant que tu y es. Ça suffit, hein? Si tu n'arrêtes pas, je suis capable de te mordre, tu sais. Lâche-moi! Je fais pas semblant de croire que je plaisante. Hein? Mais toi donc devant une glace, se répète jusqu'à demain, je suis une pauvre fille, une saleté, je suis infecte. Tu n'as jamais rien fait de propre, tu pues le lit et les cigarettes. Une bourgeoise manquée qui a lu trop de livres, voilà ce que tu es. Pour un certain épisode malheureux, autorise même quelqu'un que je connais à penser que tu as été un pigeon de l'ancienne police. Oh, crois-moi, je ne suis pas homme à avoir des préjugés, mais vraiment, Argien. T'es trop moche. Ça faisait longtemps que tu me fatiguais, mais maintenant, j'en peux plus. C'est fini, hein? Je sais pas où aller. Eh ben, va-t'en au diable. Il y en a qu'un, tu ne risques pas de te tromper. Mais c'est une nécessité. Il y a de ces exigences de caractère politique. Éventuellement, une nuit passée ici n'est pas une catastrophe. Vous vous installez dans cette pièce avec l'autre femme, la paysanne. Les hommes iront dans la pièce voisine. Arrangez-vous comme vous pourrez. Je verrai à vous faire donner des couvertures. Ce sont là, malheureusement, des nécessités d'ordre politique et militaire. Moi, je suis pour rien. Et nous non plus. Mais je crois comprendre que vous considérez ces nécessités politiques et militaires d'un œil un peu sceptique. Mon Dieu. Vous pouvez vous retirer. Rejoignez les autres. Oui, j'étais sur le point de dire... Je suis un bon révolutionnaire, nous sommes tous. Mais je me mets à votre place. Pauvres voyageurs, des personnalités importantes, des gens bien établis, et tout à coup vous vous retrouvez là... Réduit à espérer une couverture. Oui. Dites-moi. Oui? Tout à l'heure, je me suis conduit avec vous un peu comme le contrôleur du fisc. Si, enfin presque. Les devoirs, les consignes. Vous me comprenez? Oui. Mais il me semble que vous aussi, vous devriez nous comprendre. À mi-mot, cher monsieur. À mi-mot. Heureux de pouvoir vous aider dans la mesure de mes possibilités. Oui. Le grand secret en face des événements, c'est de toujours conserver un certain détachement, n'est-il pas vrai? Parfaitement. Dites-moi, il m'a semblé sentir chez vous... quelques réticences vis-à-vis de certains excès. Ça ne vous a pas échappé à ce que je vois. Monsieur, vous avez devant vous un homme qui n'est pas tellement opposé à vos idées, vous savez. Ah oui? Vous me faites plaisir. Je vis trop au contact des nouveaux chefs. Oui, et ces nouveaux chefs... sont pas tellement différents des autres. Fallait s'en douter. Toute question de tempérament personnel mise à part. Mais cette façon d'enfoncer les portes, de hausser le ton, de fouiller les gens, de les faire fusiller... Est toujours la même. Mais dois-je déduire que vous avez aussi bien connu les autres chefs? Dieu m'en garde, je les ai subis, comme je subis ceci. Subir, toujours subir, c'est navrant. Surtout pour des gens intelligents qui devraient au contraire s'entraider. C'est exactement ce que je pense. Pour des gens intelligents et capables de montrer quelque peu de souplesse, ces périodes de trouble devaient être l'occasion de se servir largement. On devrait en effet s'aider mutuellement à se remplumer. Je vous avouerai que là-dessus, j'ai une petite théorie à moi. Ah oui, mais je serais très heureux de la connaître. Dans le monde, cher monsieur, il y a ceux qui mangent les patates et ceux qui mangent les beefsteaks. Oui. À qui la faute? Vous savez... Remarquez, les millionnaires ne mangent pas des millions de beefsteaks. Ils en attraperaient une indigestion. Ils n'en mangent pas la moitié et encore un grand renfort de bicarbonate. Alors pourquoi les malheureux sont-ils toujours réduits aux patates? Eh oui. Pourquoi n'y a-t-il pas assez de beefsteaks? Le nombre limité des beefsteaks est une plaie qu'aucune réforme sociale n'a jamais pu guérir. D'où il résulte que sous tous les régimes, le nombre de ceux qui en mangent... est toujours le même. Exactement. Ah oui. Et le plus fort, c'est que les régimes ont beau se succéder, ce sont toujours les mêmes qui les mangent. C'est-à-dire... les chefs. Exactement. Et les malins. Non mais la comédie est toujours la même. Les palais, les fauteuils, toujours les mêmes. Et c'est toujours pour le plus grand bonheur du peuple et des patates qu'ils s'envoient les beefsteaks. Ceci posé, quelle est la ligne de conduite à adopter? Toujours appartenir... au parti des beefsteaks. Exactement. C'est pas donné à tout le monde. Il faut s'y faire preuve d'une certaine forme d'intelligence, d'intuition. Et moi, cher monsieur, je m'excuse, je n'y peux rien, mais je ne crois pas à l'égalité. Sauf à celle des cure-dents. Mais qu'il s'agisse d'électricité ou d'opérations de bourse, où ce sont les différences de niveau qui permettent de récupérer l'énergie, Moi, je ne crois qu'en l'argent. Ben, vous n'êtes pas le seul, vous savez. Sans le mirage d'un compte en banque, mais l'homme ne sera jamais sorti des cavernes. Mais voyons, mais l'argent, c'est le progrès, enfin. Le grain de poivre derrière. Le grain de poivre, oh, très joli. Mais si l'on m'est pensé un peu, mais quel enfer, nous serions tous immobilisés, cloués comme dans un cercueil. Bossu, laid, idiot, resterait à jamais bossu, laid, idiot. Mais avec l'argent, les malheureux, les pauvres gens peuvent espérer qu'éventuellement leur sort changera, qu'ils deviendront riches. Avec l'argent, plus de laideur, plus d'idiotie. Plus de boss. Exactement. Mais c'est ça la véritable démocratie. La seule véritable marche en avant. C'est pourquoi le devoir d'un homme intelligent, c'est de lutter, de combattre au service de notre drapeau et pour la République. Oh bon Dieu. Excusez-moi, mon général, je ne vous avais pas vu. Comment vous portez-vous? Mieux, j'espère. Qu'est-ce que tu fabriques? Moi, mais rien, mon général. Moi, j'étais en train d'interroger un voyageur. Parfait. Que disait-il, ce voyageur? Je discutais avec lui d'une certaine offre de service qu'il venait de me faire. Moi? Mon général, j'étais en train d'essayer de le faire mordre à l'hameçon, de lui jeter un peu la pape. Cet individu m'a l'air un peu suspect. Je crois qu'il serait bon de le signaler au commissaire Ramos. Imbécile. Mais dès que monsieur le commissaire Ramos sera arrivé, bien sûr. Je suis arrivé depuis une heure, exactement. Le commissaire Ramos, c'est moi. Comment as-tu bien été? As-tu trouvé un médecin? Non, pas encore. Charmant! Je suis passé à travers la guerre et tu verras que je me ferai posséder quand même. Quelle poisse! Je suis enflé jusqu'au cou et mes doigts sont comme des boudins. Ça m'emmerderait de crever maintenant, Amos. Je vais voir les temps nouveaux. Crois-tu que la gangrène s'y mette? Il faut espérer que non. Mais bon Dieu, mais trouve-moi un médecin, espèce d'abruti! Trouve-moi un médecin! Fais-les tous venir! La reine est ici, parmi nous. Rien ne fonctionne dans ce coin, personne ne sait rien. Pourtant, tout le monde dit que la reine est ici. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Bon Dieu, qui? Un individu qu'on a arrêté sur le bord de la route. Il venait ici pour la rencontrer. Et où est-il, cet individu? Il s'est empoisonné pour ne pas devoir reconnaître sa complice. La reine est ici, vivante, à mousse. Nous voulons voir la couleur des entrailles de la reine. C'est d'elle que viennent tous nos malheurs. Qu'elle me tombe sous la main, je mets 3 jours à la faire mourir. Je me charge de faire entendre ses hurlements jusqu'au sommet des montagnes. Je l'ouvre en deux, lentement comme un poisson. Nous devons la démasquer! Elle le sera rapidement, la route est bloquée depuis ce matin. Elle n'a pas encore eu l'occasion d'arrêter beaucoup de voyageurs. Nous commencerons cette nuit même à les interroger méthodiquement. Hé, la brave Jean, c'est de vous qu'on parle! Je me présente. Biante. Général Biante. J'assume tous les pouvoirs. Avec les commissaires Ramos. Y a-t-il un médecin parmi vous? Non! Allez au diable! Vous êtes tous arrêtés, et que personne ne bouge, même le petit doigt. On va vous interroger. Égare à vous, vous êtes en état d'arrestation pour un temps indéterminé. Les hommes ici, les femmes là-bas. Allez, chacun à sa place. Non, les femmes ici, les hommes là-bas. Et pour l'instant, bonne nuit. Conclusion, nous dormons ici. Quelle comédie. Espérons que l'interprète n'oubliera pas de nous apporter des couvertures. Oh, oh, j'en peux plus, j'ai mal dans les reins. J'ai mal dans les jambes. Il y a un divan à côté, c'est tout ce qu'ils ont à nous offrir pour la nuit. Tas de pantins. Pourvu qu'il nous laisse dormir jusqu'à demain matin. Vous ne servez pas de ça à la campagne, hein? Moi, tous les soirs, c'est une habitude. Chez moi ou en visite, chez des amis. Comme ce soir, par exemple. C'est que je ne suis plus toute jeune. Et quand par hasard il m'arrive de l'oublier, il y a toujours une âme charitable quelque part pour me rappeler que je n'ai plus 20 ans. Faut se cramponner, c'est pas le moment de laisser tomber. Avec ce gras sur la peau, je dois être plutôt répugnante, non? C'est humiliant d'être femme. Et même d'être vivante. On aimerait pouvoir cracher à la figure d'un salaud. Et en réalité, on sait très bien que la seule solution, c'est de coucher avec lui. Inutile de dire qu'on n'en a pas grande envie, hein? En quoi on peut parler? On est entre femmes. Et c'est sans intérêt, tout ça. Sordide et dégradant à un point. Mais quoi? Ben moi, tel que vous me voyez, j'ai fait un voyage dont je me souviendrai longtemps simplement pour essayer de rattraper un homme, de le reprendre, ou plutôt d'être reprise par lui. Se frotter un homme, épier ses moments de bonne ou de mauvaise humeur, laisser passer les uns sans avoir l'air de s'en apercevoir, savoir profiter des autres. Quel métier! Mais quand on n'a pas le sou, hey, ça s'arrangera peut-être un jour, plus tard. Patience, comme disent nos bons hommes dans leurs discours de propagande. Après avoir fusillé 300 personnes dans la journée, nous forgeons l'avenir. À cette allure-là, il sera beau leur avenir. Dites donc, ma petite, vous n'auriez pas une glace un peu plus grande? Ça va pas. Vous vous sentez mal? Hé là, vous n'allez pas vous évanouir. Vous êtes tout en eau. Ça vous a secoué ce que cette brute a dit de la reine. Oh, il faut pas y faire attention. C'est pas nous que ça regarde tout ça. Vous avez besoin de quelque chose? Vous pouvez peut-être vous étendre à côté sur le divan. Où est votre sac? Oh! Qu'est-ce que vous avez là-dedans? Du pain. Ah bon? Allez, allez, allongez-vous. Ça vous passera très vite. La paysanne sort doucement. Et Argia reste seule. Hey! Hey! Qu'est-ce que tu me veux? Riche, hey! Je suis riche! Mais folle! Regarde-moi! J'ai une grosse dot, je suis devenue un parti magnifique! Ah, riche, hey! Je suis riche, allô de la grande... Quoi, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai découvert la reine. C'est une paysanne. Non, c'est pas une paysanne. Vous avez entendu le premier acte de La Reine et les Insurgés. Voici immédiatement le deuxième acte. Quelques instants plus tard, au lever du rideau, Argia et Reim sont en scène. Non! Ça, je peux bénir le jour où je t'ai rencontré quand tu me portes la poisse. Mais à quoi c'est une histoire effarante? Et puis c'est très dangereux avec ça. Pourquoi? Tu vas trouver Amos et Biante et tu leur dis la reine est ici, avec une bourse bien pesante. Mais tu sais ce qu'ils feraient? Ils me liquideraient et toi aussi. À eux les honneurs et la bourse. Ici, c'est une fabrique de cadavres, tu comprends? En série. On n'a qu'une obsession, c'est de tuer. On tue même par erreur. Tout simplement parce qu'il n'y a rien de mieux à faire. Allez. Eh ben n'en parlons plus, bonne nuit. Quoi, tu veux une chiffre, hein? Pour mon premier coup de veine depuis que je suis né, tu parles d'un coup maison. Je deviens un dingue, moi, si je passe à côté. Ben non, passons pas à côté. Passons pas à côté. Oh, sainte mère. Ça, j'en tremble. c'est un coin où les fusils partent tout seuls. Bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu. Dis donc, tu es sûr de ce que tu avances, toi aussi, avec tes visions, espèce de cinglé. Mais tout ce qu'il y a de sûr, nous nous sommes regardés, pas le temps de dire ouf, j'ai tout compris. Elle aussi, d'ailleurs, elle a failli s'évanouir. Ce qui est terrible, c'est qu'il n'y a pas une minute à perdre. Hein. Comment est-elle, la bourse? T'as un petit sac, mais qui pèse son poids. Un petit sac? Avec de l'or, des diamants. Oh, tu verras, j'y laisserai ma peau. Même une épingle, on ne peut pas la sortir d'ici. Un petit sac. Quoi, l'enterrer et venir le chercher? Enfin, c'est facile à dire, ce que je vois le plus clair, c'est que c'est moi qu'on l'enterrera. Celui qui court le plus de danger, c'est moi, tu sais. Mais je peux t'aider, c'est pour toi que je le fais, tu sais. Ah bah ben oui, tu es une femme, tu la connais, tu as déjà parlé avec elle. Attends, il faudrait que ça ait l'air d'être une idée à toi, que ça vienne de ton initiative, hein? Comment est-elle en ce moment? Calme, tranquille? Oh, elle tremble de peur. Parfait. Ce qu'il faut, tu comprends, c'est la terroriser, enfoncer le clou. Oui, mais tu verras, elle le donnera d'elle-même, le sac, sans que personne ne lui demande. Le sac. Mais c'est ce qui compte le moins, le sac. Comment ça? Ah oui, difficile à prendre, à emporter, à enterrer. Ouais, alors les noms. Mais explique-toi, mais oui, les noms de ses partisans. Elle a sûrement encore des amis qui complotent pour la sauver. Des gens importants, des grands personnages. Oh, bon Dieu. Tu crois qu'elle parle? Je peux essayer de la persuader. Non, mais tu réussiras, en lui faisant très peur. Je compte sur toi. T'es pas bête, toi. Hein? Oh, les noms, mais ensuite. Mais ensuite, on n'emporterait pas le sac, mais les noms, là, dans la tête. Ah oui. Le sac aussi. Enfin, on pourra toujours essayer. Hein? Oh, les noms, mais ensuite. Et bien ensuite, ces gens-là qui tremblent de peur reçoivent de temps en temps la visite du percepteur. Formidable! Je m'excuse, excellence, je m'excuse infiniment. C'est pour la petite contribution habituelle. Au cas où vous auriez envie de vivre encore un peu. Oh, bonne mère. Oh, quel filon. Non, écoute, non, c'est trop dangereux. Quoi, pourquoi? Toi, tu parles bien, mais eux, tôt ou tard, ils m'empêcheront de vieillir ou de profiter de ma retraite. Hein. Écoute, ce qu'il faut, c'est emporter quelques bricoles faciles à planquer, hein, qui tiennent pas de place. De l'or, des rubis, et puis tu verras. Nom de Dieu, la voilà. À toi de jouer. Hé, hey, fais vite. Vous cherchez quelque chose? Je désirais seulement... Bavarder un peu avec moi, hein? J'ai cru comprendre que vous aviez peut-être bon cœur. Oh, on est comme on est. Venez vous asseoir là après moi. Justement, moi aussi, j'avais envie de bavarder un peu avec vous. Ainsi, vous êtes une paysanne. Oui. J'aime beaucoup les paysans. Vous allez vraiment aux champs? Oui. Et qu'est-ce que vous y faites dans les champs? Je travaille. Quoi? Vous piochez? Vous bêchez? Oh, des vrais mains de campagnardes. Vous avez beaucoup de courage. C'est pas en deux jours qu'on arrive à ce résultat-là. Ça représente des années de sueur, de courbatures. Vous êtes toute seule? Oui. Mais je comprends que vous ayez peur. Et vous n'avez pas tort. Mais c'est assez malin de vous adresser à moi. En effet, moi, je pourrais vous aider. Et vous, de votre côté, vous pourriez, si vous étiez gentille, vous pourriez faire quelque chose pour moi. Moi, mais je ne vois pas. Dites. Est-ce que par hasard, vous ne vous appelleriez pas Elisabeth? Non. Curieux. Il m'a semblé. Faites bien attention, hein. Sérieusement, vous m'assurez que vous ne vous appelez pas Elisabeth? Non, vous maintenez obstinément que vous ne vous appelez pas... Mon sac est là. Il est à vous, vous pouvez le prendre. Je l'avais caché. Où l'avez-vous caché? Là, à la croisée des poutres. Il y en a lourd là-dedans? Tout ce qui me reste au milieu du pain. Il y en a 3 miches. Oh, quoi, c'est pas un bien grand sacrifice. Si vous remontez à la surface, ça ne sera qu'une bagatelle pour vous. Et si ça tourne mal, ben vous dites adieu à tout, n'est-ce pas? Tandis qu'à moi, ça me sera très utile. Je suis dans la dèche, moi. Et poursuivi par une de ces vévelles, en plus. Excusez-moi, j'ai repensé aux couvertures alors que je suis venu voir. J'ai réfléchi. Je veux les noms aussi. Je veux tout. Je vous apporte les couvertures dans un instant. Vous n'êtes pas bête, hein? Vous venez de me le prouver, là. Mais maintenant, il faudrait me le prouver d'une manière encore plus... Enfin, encore plus convaincante. Parce que la situation est très simple. Je peux ouvrir cette porte et appeler un soldat. Ou bien je peux me taire. Et avec la complicité de mon ami, là, vous vous aider. Mais alors, nous devons partager. Majesté. Eh oui, nous sommes devenus deux sœurs. Oui, oui, deux sœurs, alors tout en deux. Vous saisissez? Quoi, quoi, il serait ridicule que je me contente de vos restes dissimulés dans trois miches de pain. Mais rien d'autre. Allons donc. Pendant des années, vous avez marché sur du marbre, dormi dans du satin. En ce qui me concerne, ça allait beaucoup moins bien, je vous assure. Le moment est venu maintenant de rétablir l'équilibre. Je vous jure, je ne possède rien d'autre. J'ai plus rien. C'est faux. Vous avez encore des amis, des gens qui travaillent pour vous. Eh bien, je veux qu'ils deviennent mes amis, moi. Je veux qu'ils m'aident. Je veux moi aussi, pour une fois, avoir des appuis. Vous comprenez? Oui, suis-je assez clair? Oui. Allez, vos amis, vos amis. Oh, d'ailleurs, ce sont des gens sans intérêt, les seuls responsables de vos ennuis. C'est eux qui vous ont forcé à sortir de votre cachette. Non, non, personne! Mais j'en ai pas! Lâche, quoi? Mais vous ne leur faites aucun tort. Ils n'auront que le désagrément de m'aider à passer ces années difficiles. Allez, vos amis. Mais tous morts, tous assassinés! Je suis seule! Majesté, vous descendiez des escaliers de tapis rouge, quand moi je montais d'autres escaliers, beaucoup moins décoratifs. Mais ça m'a servi de leçon, j'ai appris beaucoup de choses, et il serait ridicule de vouloir me ruiner. Allez, vous... Non, non, je suis dure, majesté, insensible à mes propres malheurs, alors les vôtres, vous comprenez. Allez, vos amis, vos amis, oui, oui, vos amis. Oui, oui. C'est la liste? Oh. On en a tellement raconté sur votre compte, j'aurais cru que ça prendrait plus longtemps. Pour une reine, vous vous montrez bien souple. Dites donc, ma petite. Mais vous me prenez pour une idiote? Ça, une liste complète? Oui. Et toute prête d'avance? Oui. Et vous la portez sur vous, bien sûr? Oui. Et pourquoi donc, ma bonne dame, hein? Pourquoi? Parce que j'ai peur. Peur de quoi? Des tortures. J'ai appris qu'il se passait des horreurs, des choses épouvantables. Alors j'ai peur, vous comprenez? À cette seule pensée, je deviens folle. J'aurais quand même parlé en fin de compte. Alors, avec ce papier, au contraire, il l'aurait trouvé, tout était simple. Oh, croyez-moi, je vous en supplie, c'est la vérité. Alors, ce sont ces gens-là, vos amis fidèles? Oui. Ceux qui risquent leur vie pour vous? Oui. Mais vous êtes vraiment la reine? Oui. Seulement, j'ai été tellement terrorisée dans cette prison. Oh, madame, maintenant, je ne pourrai rien vous donner d'autre. J'espère que vous allez m'aider, que vous et votre ami, vous allez me permettre de m'enfuir. Les couvertures, mes belles. Voilà les couvertures. Vous permettez? Quel enfantillage. C'est sûrement vrai. On fait comme moi. Enfonce-toi bien ces quatre noms-là dans la tête. Oui, oui. Tu les connais maintenant? Attends, attends. Pourquoi tu les sais par cœur? Bon, nous aussi, madame, nous devons penser à notre sécurité, mais nos méthodes sont différentes. Crois-tu possible de la faire fuir? Non seulement possible, mais indispensable. Non seulement indispensable, mais insuffisant. Qu'elle disparaisse d'ici, pour nous, c'est pas assez, il faut trouver mieux. C'est-à-dire? Si cette bonne femme franchit les montagnes et retrouve ces gars-là, nous passons avec ardeur. Si elle ne réussit pas, c'est encore pire. Les autres la rattrapent et elle lâche tout le paquet. On va la laisser ici. Demain, elle sera interrogée, elle parlera et nous serons free. Ah, moi, je serais fou de risquer ma vie et la tienne. C'est une planche pourrie. Et alors? Il faut s'assurer de son silence total. Non, dans un sens, mais pour elle, ça vaut tellement mieux. Si nos fanatiques mettent la main dessus, j'en vis pas son dernier quart d'heure. De toute façon, elle est au bout de son rouleau, alors crois-moi, il faut mieux que ça aille très vite, hein, qu'elle n'ait pas le temps d'avoir peur. Alors, tu crois que ça m'amuse, hein? Mais c'est notre vie en ce moment qui est en jeu, c'est trop tard pour reculer. Il ne fallait pas commencer. Ça y est, pas hésité, mon petit, faut en passer par là. Passer par là. Tu t'imagines que moi, je pourrais toi, faire... Toi, toujours toi. Qu'est-ce qui a eu cette idée? C'est pas toi, peut-être? Qu'est-ce qui m'a mis dans tout ce pétrin? Et maintenant, tu veux jouer les saintes nitouches? T'es vraiment la pire des garces que j'ai jamais connue. Eh bien, nous irons jusqu'au bout, mon ange. Et nous serons deux. As-tu pensé au moyen de... Justement, je vais y réfléchir. Je reviens dans un instant, madame. Je pense à vous. Il pense à m'aider? Oui. Votre ami va me faire fuir? Oui. Non, pas pitié, ne me touche pas! Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'il fait? Mon Dieu, vous me trompez! Vous me trompez tous! Tous ils jouent avec moi comme le chat avec le chien! Ah mon Dieu, je ne veux plus penser! Avoir peur! Appelez les soldats! Non, je ne sens plus moi-même! Taisez-vous! Taisez-moi là maintenant! Taisez-vous, vous êtes ridicule! Vous êtes idiote! Mais vous salissez les genoux, majesté! Mais oui, on vous sauvera! On vous fera fuir! Vous y avez intérêt, nous aussi, non? Manquer de dignité à ce point, c'est malhonnête! Mais le dernier de vos larbins se conduirait mieux que ça! Même moi, ma bonne dame, on m'a jamais entendu couiner comme ça, comme un rat sous le sabot d'un paysan! Et moi, j'aime mieux vous le dire, je serais plutôt le contraire d'une reine! À la belle époque où vos drapeaux flottaient sur tous les palais, quand vous donniez des ordres, en dessous de tous ceux qui vous obéissaient, en bas de l'échelle, là, tout à fait en bas, là où on obéit à tout le monde, c'est là que j'étais! Et maintenant, vous venez me baver sur les mains. Non, les manteaux de satin, la loge à l'opéra, les diamants qui étincellent comme des lustres, faut que ça se paye tout ça! C'est l'échéance! Mais vous avez bien compris tout à l'heure ce que les gens pensent de vous ici. Vos mains n'ont pas toujours été rugueuses. Il fut un temps où elles signèrent beaucoup de papiers. Non! Oh non. Non, j'ai jamais fait de mal à personne. Ce n'est jamais moi qui ai pris les décisions. Rien de ce qu'on dit de moi n'est vrai. La seule chose vraie, c'est que dans la prison, j'étais recouverte de sang, de tous ces corps. Ils ont agonisé sur moi. Depuis, j'ai toujours fui. Je n'ai pas rencontré le soldat cependant la montagne. Je me serais venue à leurs pieds. Je tremble sans arrêt depuis 5 ans. Ils ont tué presque tous mes amis. Malheureusement, pas tous. Je vis encore plus mes amis que mes ennemis. Que veulent-ils de moi? Je ne peux plus rien faire. Je ne veux plus. J'ai seulement peur. Je dors, j'ai peur. Je rêve, j'ai peur. Je veux seulement m'échapper. En seulement vous prenant vos bijoux, je vous rends service. Dommage que je ne vous ai pas connu plus tôt. Je n'ai plus rien. Je ne cherche plus rien. Alors pourquoi vous agitez comme ça? Qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'on me laisse vivre. Rien d'autre. Inconnu de tous. Éloigné de tout. Et retrouver le sommeil. Allez, viens. Voilà. Ni mes mains, ni les tiennes n'auront à tremper dans cette histoire. Je crois avoir trouvé une solution très élégante. Ce bâtiment a 2 issues. Une ici, l'autre là. La sentinelle de l'autre côté de la cour, ce sera moi. La sentinelle sur le mur, ce sera le soldat que tu as vu tout à l'heure. Une vraie brute. Oui, madame, nous sommes en train d'établir un plan qui vous donnera toute satisfaction, j'en suis sûr. Il a été facile de convaincre cette brute que la révolution exigeait de lui qu'il décharge son arme immédiatement et à fond au premier craquement de porte. Ou sur une ombre qu'il verrait bouger. Même moi, j'y passerai. Que je me présente à cette porte ou à celle du diable, ce serait tout comme. Mais moi, je ne m'y présenterai pas. Hein. Écoute, dans quelques minutes, vous entendrez les cris d'une chouette, la reine te dira adieu, s'enfuira. Nos mains resteront blanches. La rafale du soldat ne la tuait pas complètement. Dans ce cas... Pourquoi laisser le travail inachevé, ce serait d'une négligence dangereuse. Quel intérêt? J'y trouverais une belle fin de carrière, la reine se sentirait plutôt bavarde et on me crèverait la peau allègrement. Il fallait que je sois bien bête ou superstitieux pour hésiter. C'est des phrases. Il y a des loups partout, alors pourquoi est-ce que je serais moi tout seul, un petit agneau? Il y a tellement de braves gens qui crèvent par ces temps difficiles, un de plus ou un de moins, ça ne changera rien. Et puis moi, je suis de santé délicate. Il faut que j'assure mes vieux jours. Donc, pourquoi est-ce que cette femme met les gens dans des situations impossibles? Bon, écoute. Dès que j'aurai entendu les coups de feu, j'arrive en contournant la cour. Et si les balles du soldat n'ont pas suffi, bien je prendrai mon courage à deux mains. Espérons que ce ne sera pas nécessaire. Nous ne sommes pas au bout de nos peines. Madame, il faut rassembler toute votre énergie. Il y a un pas à franchir, dangereux pour nous trois. En ce qui vous concerne, j'espère que tout ira bien. Je suis prête. Ah, il faut ce qu'il faut, pas vrai? Alors voilà, pour votre fuite, dites. Nous avons trouvé un homme qui veut bien vous conduire jusqu'à la frontière, par des chemins qu'il est seul à connaître. Tout à l'heure, on entendra un signal, vous sortirez, et là, dehors, vous trouverez le guide. Vos angoisses sont terminées. Mon ami, ma chère, chère amie, votre visage, votre voix, ils resteront gravés dans mon cœur jusqu'à mon dernier jour. Et même ensuite, oui, oui, je suis sûre que même ensuite, quand je vous verrai arriver dans la maison du Seigneur, j'accourrai à votre rencontre et je vous dirai, oh ma sœur, me reconnais-tu? C'est moi! Restons ensemble maintenant, puisque ce jour-là, nous avons dû nous séparer si vite. Non, non, non, ne me repoussez pas. Laissez-moi ainsi un instant. Imaginez que je sois un animal éperdu qui s'est réfugié dans votre sein. Cela arrive quelquefois. Comment vous appelez-vous? Argia. Argia. Je me sens renaître à vos côtés. Qu'est-ce que c'est? Le signal, peut-être? Non, non, pas encore. Mais dites-moi, cet homme qui va m'accompagner dans ces montagnes, est-ce vraiment quelqu'un sur qui on puisse compter? Est-ce que, profitant d'un défilé un peu plus sombre, il ne tentera pas de se jeter sur moi, de m'égorger? Non, non. Non, non, non, non, non, bien sûr. Je vous fais confiance. C'est seulement cette peur dont je n'arrive pas à me guérir. Pendant toutes ces années, je n'ai eu qu'une obsession, leur horrible torture. Mon Dieu, ils infligent des supplices tellement inhumains. J'ai un poison sur moi. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le prendre. Je revis toujours ces minutes d'angoisse. Un homme me regarde, se retourne pour me regarder encore. Une lueur passe dans ses yeux, il m'a reconnue, je suis perdue. Alors moi? Pardonnez-moi, nous sommes entre femmes, vous l'avez dit vous-même. Moi, quand un homme fixe du regard, paysan, maquignon, bûcheron, je me donne. Je me donne. Je suis plus livrée, une femme. Je cours d'ici de là comme un lapin affolé. J'ai même un enfant quelque part dans ces montagnes. Vous êtes la seule à le savoir. C'est pour lui que vous êtes revenue, pour le retrouver. Non, non. Pourquoi le chercher? Pourquoi l'aimer? Au contraire, lui aussi je le fuis. Lui aussi me poursuit d'une autre manière. Non, je ne veux pas le voir. Qu'il reste où il est, qu'il vive tranquille et devienne un homme. Et que le Seigneur nous pardonne à tous. Allez, allez, ne tremblez pas comme ça. Prenez confiance. Bientôt fini les angoisses. Argia? Pour tout arranger, je crois que je suis de nouveau enceinte. J'ai tellement faim depuis quelque temps. Mais suis-toi. Tu es tout en sueur. Qu'est-ce que c'est? C'est le signal, n'est-ce pas? Non, non, pas encore. Si, si, si, c'est le signal. Adieu, Argia. Embrasse-moi. Attends. Attendre? Mais pourquoi veux-tu? Non, c'est pas compris tout à l'heure. C'est pas par cette porte-là que tu dois partir. Il te tirerait dessus. Non. Tiens, c'est par cette porte-ci qu'il faut t'enfuir. Attends, attends. Oui, je vais les attirer par ici. Oh, sans courir aucun risque. Il suffira que je pousse la porte, ils sont tellement bêtes, ils diront. Alors au bruit des coups de feu, ceux qui montent la garde de l'autre côté se précipiteront. Cette porte-là ne sera non plus surveillée. Bah, tu en profites et tu t'échappes. Est-ce que je trouverai l'homme qui doit m'accompagner? Non, enfonce-toi dans les montagnes seul. T'avais raison tout à l'heure, c'est plus prudent. Mets-toi là et reste calme, hein. Voici le dernier objet qui me pesait. Elle me va tout juste, tu vois? Comme ça, je la perdrai pas. Alors, j'ai un peu de la porte. La reine se sauve par la porte opposée. Argia reste seul. Pas un geste. C'est des arguments très convaincants. Pas un mot. Je ne saurais pas quoi dire. Qu'est-ce qui se passe? Cette femme a essayé de s'enfuir. Mon vieux, tu es seul de ne pas te tromper. Je te dis qu'elle a essayé de s'enfuir, tu ne me crois pas, non? Si, je suis convaincu. Surveille-la, je vais chercher quelqu'un. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Où est-elle? Partie. Encore une de tes combines. Espèce de folle! Qu'est-ce que tu vas raconter maintenant? N'importe quoi. Une histoire. T'inquiète pas. En tout cas, n'essaie pas de me mêler à tout ça. Moi, j'y suis pour rien. Toi, tu t'en tireras, c'est probable. Messieurs, cette femme a voulu s'enfuir. Mon ami, baissez votre arme. Nous n'avons absolument pas besoin. Et vous offrez donc un siège à madame? Madame, veuillez vous mettre à votre aise. Vous désiriez sortir? J'avais soif. C'est une explication. Vous nous excuserez, mais sous un certain angle, cet incident a du bon. Il nous procure l'occasion de vous demander d'avoir l'amabilité de nous accorder un entretien. Un entretien qui sera, je l'espère, calme et amical. C'est une occasion que j'ai vainement tenté de provoquer pendant tout notre voyage. Apportez des lampes, des bougies. Donnez-nous un éclairage digne d'une pareille compagnie. Madame, quel est votre nom? Le rideau du théâtre de la Renaissance à Paris vient de se baisser sur le deuxième acte de la pièce de Hugo Betti, La Reine et les Insurgés, mise en scène par Michel Vitol. Voici tout de suite le troisième acte, que suivra, sans interruption, le quatrième et dernier acte. La Reine et les Insurgés, quelques instants plus tard. Au lever du rideau, Argia, Amos et Biante sont en scène. Pour la troisième fois, madame, je répète ma question. Quel est votre nom? Eh bien? Et qu'à regarder mes papiers, vous y trouverez tous les renseignements que vous voulez. Puis j'ai déjà été interrogée avec les autres voyageurs. Ce supplément d'enquête est un honneur réservé à moi seule. Nous désirons qu'un nouvel éclaircissement, madame. Je ne suis pas une madame, je suis une mauvaise herbe qui a poussé sur le fumier de trois guerres. Votre nationalité. Mais je suis née dans ce pays et j'y ai toujours vécu. Enfin, si on peut dire. Parce que jusqu'à présent, des gens de votre espèce n'ont fait que me surveiller, me poursuivre, me reléguer. me pousser de droite et de gauche. Vous semblez nous en rendre responsables. Et qu'est-ce que vous faites, vous aussi, sinon de donner des ordres? Ah, ils sont nombreux en ce monde, ceux qui ont choisi ce métier. Décidez de ce que les autres doivent faire. Ça doit être merveilleux, hein? Dites-moi un peu, qu'est-ce qu'on ressent? Vous n'avez jamais essayé? Moi? Moi? J'ai toujours fait partie de ceux qui les reçoivent, les ordres. Par exemple, en ce moment, je dois subir vos boniments alors que je tombe de sommeil. Nécessité politique. Ah oui, parlons-en. Nécessité politique. Nécessité politique qui nous empêche un jour sur deux de manger ce qu'on veut. D'aller se coucher quand on a envie de dormir. D'allumer du feu quand on a froid. Et chaque jour, une interdiction différente. Et toujours le même prétexte. Nécessité politique. Facile à dire. Mais n'avez-vous jamais retourné ces mêmes arguments à votre avantage? Moi? Mais mon cher monsieur, enfin quand je dis cher, c'est une façon de parler. Je vous ai déjà dit que j'ai jamais rien fait de très utile ni de très respectable dans ma vie. Ça ne vous suffit pas? Quelles furent vos activités jusqu'à présent? Diverses. Dangereuses. Oui, vous pareil, vous m'avez toujours cherché tellement d'histoires que j'ai jamais eu le temps de faire fortune. Il y a des soirs où j'étais bien contente de trouver quelqu'un qui me paye à dîner. Avez-vous quelques preuves que vous dites vrai? Quoi? Quoi, vous voulez des témoins? Oh, oui! Oh, ça, il y en a des quantités qui m'ont connu. Ça, je peux fournir des preuves, quand je voudrais. Un seul fin d'identification, portez-vous sur le corps un signe particulier qui ait pu attirer l'attention de ceux qui vous payaient à dîner. Oui. Oui, il y a des hommes comme vous, et même plus répugnants que vous encore, qui m'ont vu et qui ont fait de moi ce qu'ils ont voulu. Voilà ce que je suis. Il semble que vous n'éprouviez pas pour nous de sympathie particulière. Ça proviendrait-il de raisons précises? Très précises. Il y a moi, il y a ceux qui me donnent des ordres, ceux qui marchent dessus. Ils pèsent trop lourd. Madame, si vous voulez notre impression, l'acuité de vos réponses contraste curieusement avec cette humble condition dont vous déclarez être. De même qu'il y a des accords entre votre grossièreté voulue et une certaine réserve, une certaine tenue, qui transparaissent néanmoins. Réserve? Tenue? Chez moi? Moi, je vous apparais comme... Oh, chérie, mais tu me fais la cour, ma parole. On a aussi l'impression que la vivacité de vos réactions est due en particulier à un besoin de dissimuler une certaine peur. Peur, moi? De qui? De vous? Ah, je comprends. En compensation des rebuffades que vous avez subies dans votre existence, vous imaginez maintenant que les gens tremblent de peur devant vous. Mais moi, j'ai aucune raison d'avoir peur. Je vous ai déjà dit ce que je suis. Et je le prouverai, quand ça me plaira. Et tout de suite, pourquoi pas? Non, parce qu'en ce moment, je m'amuse, figurez-vous. Oui, c'est drôle, hein. C'est drôle, mais je suis en train de m'amuser beaucoup. Je souhaite que vous vous amusiez jusqu'au bout. Par ailleurs, si votre insolence ne réussit pas à cacher vos craintes ne réussissent pas non plus à vous faire dominer votre insolence. Diable, mais qu'est-ce que ça signifie, ça? Quelle peut bien être la cause d'une attitude aussi incroyable, surtout en votre présence? L'orgueil. Ah tiens, je suis orgueilleuse, moi. Oui, et les conseils de prudence de votre raison n'y peuvent rien. Vous ne prenez même pas la peine de mentir avec habileté. Votre plus grand désir en ce moment est d'afficher votre mépris pour nous. En effet, je trouve contre nature que des gens de votre espèce se donnent de grands airs. T'as un peu de respect, chère madame, il était théologien. Oh, pardon. Ce vieil orgueil, hein? Il vous a malaxé des pieds à la tête. Vos pas n'ont jamais résonné que là où ne peut parvenir le bruit de la foule. Vos mains n'ont jamais touché que des objets rares et précieux. Votre voix n'a jamais eu à s'élever pour obtenir le silence. C'est votre intuition qui vous a fait deviner tout ça. Vous perdez des points, madame, en gardant cette attitude. Descendez de votre piédestal. Dans quelle maison êtes-vous née? Dans un des plus beaux palais de la ville. Je ne vous dirai pas si c'est à l'étage noble ou dans la loge du concierge. Dans ma chambre, dès le réveil, je voyais des nains. Une tapisserie vieille de 500 ans les présentait à mes premiers regards. Oui, oui, j'ai grandi au milieu de gens qui, dès que j'ouvrais la bouche, se taisaient. Et aux questions que je posais, répondaient d'une voix agréable, pour me dire des choses agréables. Je marchais sur des tapis grands, comme des places de village. Les portes s'ouvraient devant moi. Les pièces étaient très chauffées, car j'ai toujours été très frileuse. J'avais une cuisine succulente. J'ai toujours été tellement gourmande. Oh, très cher, quel dommage que vous n'ayez jamais vu ces nappes, ces couverts et le cristal dans lequel je buvais. Ce luxe ne vous a guère coûté de peine. Mais on ne demande pas à une rose si elle s'est fatiguée pour devenir une rose. On lui demande simplement d'être une rose et aussi différente que possible d'un artichaut. Ce que je souhaitais, on me la portait sur des plateaux ciselés et on s'inclinait. Et à la porte, avant de sortir, on s'inclinait une dernière fois. Oh, vous permettez. Pourquoi forcer les gens à ce cérémonial? Mais c'est eux qu'ils voulaient ainsi. Je suis sûre que vous en feriez volontiers autant, voyez-vous. Avec un sourire, je vous ferais frétiller. Mais pauvre de moi, il me coûterait cher, ce sourire. C'est une très belle bague que vous portez là. Il ne s'en va pas. Trop longtemps que je la porte. Oui, j'ai été une femme orgueilleuse. C'est un bijou de famille. Riche, très respectée, élégante, heureuse, comblée. Vos opinions politiques? La politique ne m'intéresse pas. Dis-moi, vos sympathies vont-elles à un parti ou à un autre? Et les vôtres? Oui. Alors les miennes vont au parti adverse. Pourquoi? Parce que vos manières me déplaisent. Vous êtes un peu trop en représentation. Oh, puis non, et puis non, tout compte fait. Peut-être que vous ne l'êtes pas assez, justement. Oh, voyez-vous, on m'a toujours appris à considérer comme respectable, enfin, une toute autre espèce de gens que vous. Ceux qui se lavent, ceux qui portent du linge parfumé. Peut-être faut-il y attacher une importance politique, mais j'arrive pas à croire que sentir mauvais donne des droits. C'est que vous n'avez jamais senti l'eau de règle de la soupe populaire. Peut-être. Il est évident que vous avez trop à faire, c'est pourquoi vous sentez la sueur. Casseurs de pierre et les pauvres diables qui nous suivent ont un nez moins sensible. Parce que ça doit être triste. Demain, il n'y aura plus ni pauvres ni casseurs de pierre. Alors on inventera d'autres mots à guérir. Sinon, qu'auriez-vous à faire, vous autres, hein? Vous canalisez les ennuis. C'est d'abord une envie, puis une rage. Et depuis que vous y êtes mis, le poids du malaise s'est accru et les morts s'entassent. Et malgré tous vos discours et vos palabres et vos professions de foi, ils se dégagent de vous comme une odeur de sang. Amos, nom de Dieu! Avez-vous compris le sens de cet interrogatoire? Oui. Y a-t-il ici quelqu'un qui connaisse votre identité? Bien sûr. Ça, je prendrais pas de tels risques. Qui? Je vous le dirai plus tard. La nuit est longue et la route des montagnes aussi. Pourvu que vous ayez le temps ensuite de vous trotter. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va mal. Il y a de la fusillade dans les environs. C'est ça qui vous rend nerveux. N'espérez pas de miracle, madame. Suffit, Amos, fais-la parler, nom de Dieu, fais-la parler. Je suis pressé, moi, je me sens bouillir. À faire bouillir le monde entier. Oh, mais je vous prie de baisser le ton, hein. J'étais la reine. Si j'étais la reine, je vous dirais... Messieurs, vous êtes en colère contre moi, mais moi, je ne le suis pas contre vous. Vous avez usurpé le pouvoir, mais vos menaces ne parviennent pas à me troubler. Il y a trop de distance entre nous. Voilà ce qui vous fait bouillir de rage et ce qui me rend, moi, si calme. Si vous n'êtes pas la reine, je dois avouer que vous imitez fort bien la fierté qu'elle aurait affichée en pareille circonstance. C'est que voilà bien longtemps que je me prépare à ce rôle. Chaque fois que quelqu'un m'a manqué d'égard, ça peut arriver à tout le monde, n'est-ce pas? Chaque fois, je me suis éloignée muette, le visage en feu. Mais quelle réplique! Quelle riposte écrasante, j'imaginais ensuite. J'étais cinglante et fière, et quelle revanche je prenais! Oui, je sais parfaitement tout ce qu'une femme courageuse peut dire pour remettre des mufles à leur place. Mais qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe, donc? Amos, pourquoi cette perte de temps? Mais bon Dieu, nos armes, à quoi servent-elles? Nous avons besoin de cadavres, alors qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce que c'est? En général, monsieur le commissaire, il se passe que la route là, elle est noire de monde. Quel monde? Qui est-ce? Les gens de la montagne, ils ont dû entendre parler de cette femme qu'on a arrêtée, ils ont profité de la nuit pour descendre. Vous m'avez bien dit que vous n'étiez au pouvoir que provisoirement. Thank you. y en a des lâches. Il y en a beaucoup qui cachent leurs sentiments par peur. Et le plus vil et le plus méprisable de tous, c'est peut-être moi. Mais pour nous qui faisons partie du troupeau, nous renégats qui avons l'habitude de tourner casaque, quel réconfort, quel baume de savoir qu'il existe tout de même quelqu'un qui leur tient tête, qui leur résiste, seul contre tous. Savoir que dans le monde il existe une telle créature, je crois qu'en entendant parler, Dieu même en serait fier. Tous ceux qui penseront à elle, même dans 100 ans d'ici, sentiront revenir sur leur visage le souffle de la dignité. Majesté. Oui, en effet, toute une foule attirée par ta réputation est descendue de la montagne. Et sais-tu le secours qu'elle t'apporte? Ce qu'elle veut? Te voir condamné et pendu. Non. Un jugement dans les règles. Un jugement dans les règles, procédure dans les formes, trêve de bavardage. J'ai plus de temps à perdre, moi, je ne sens déjà plus mes mains. Faut un jury, voilà, faites entrer quelques personnes. Mais des gens prudents et que les jurés aient plutôt tendance à baisser le nez. Oui, de ce fainéant qui s'imagine qu'un changement d'écusson sur les portes leur fera enfin connaître le sort de ceux qui travaillent. Avancez, mes amis, avancez. Et asseyez-vous. Asseyez-vous! Vous savez déjà que j'ai assumé tous les pouvoirs. Ce qui veut dire que n'importe qui peut tuer, d'accord, mais moi je peux le faire au roulement des tambours. Comme au cirque. Quand un acrobate exécute un saut périlleux. La République est victorieuse! Donc c'est moi qui préside. Toi tu accuses, toi tu écris. Et vous autres, vous jugez. Et ensuite, si je vis encore de président, je deviendrai bourreau. Monsieur, je... Amos, tu as la parole. Cette femme est accusée d'avoir caché son identité, falsifié ses papiers. Monsieur, j'espère que vous allez m'écouter. Je suis venu ici pour... Pour essayer de quitter le pays clandestinement, ou bien était-ce pour rechercher votre fils? Oui, madame, nous sommes au courant. Votre fils, il est accusé en outre d'avoir illégalement et secrètement exercé autrefois son influence sur les chefs de l'État, les incitant à la violence et à l'oppression. Alors vas-y, Amo, c'est froid, ça manque de couilles. Non, non, mais le signal des carnages et des persécutions. Mais je n'ai jamais rien fait. D'avoir, après sa chute, fomenté des conjurations visant à saper l'autorité du gouvernement. C'est vous qui êtes à l'origine. Cette femme est accusée d'avoir déclenché le conflit actuel, de l'avoir poussé jusqu'aux excès, jusqu'aux atrocités. Elle a fait appel aux armes de l'étranger. Elle a allumé les incendies qui fument à tous les points de l'horizon. C'est elle qui a défiguré les morts le long des routes. Moi? Mais je vous dis que je suis venu. Quoi? Que vous ne saviez pas? Qu'on n'avait pas voulu ça? Qu'on vous masse son pur, n'est-ce pas? Autrement dit, vous avez été prudente. Du coup, vous voici privé de circonstances atténuantes. Mon fils ne voulait même plus mettre la chemise que je lui lavais. Et la soupe que je lui préparais, il la trouvait mauvaise. Et ben maintenant, on m'a dit qu'il est quelque part dans un champ, les bras en croix et tout couvert de fourmis. Et c'est à cause de la reine. Il est tout de même pas juste que nos gosses n'aient pas les mêmes jouets que les autres. C'est quand ils sont petits que le poison se met dans le cœur. Alors, alors, témoignez! Témoignez tous! C'est de sa faute! Oui, c'est de sa faute! Tu ne dis rien. Tu es le seul à ne rien dire. En effet, oui. Elle nous humiliait. Qui vous a appris à les subir, ces humiliations? À être rongé par l'envie? Qui a déclenché toutes vos rancœurs? Toi! Au pinacle les privilèges, symbole même des prérogatives! C'est toi qui personnifies l'injustice avec son visage arrogant, sa voix méprisante, ses répliques ironiques, ses habits luxueux, ses mains immaculées. Pour que les hommes ne sentent plus égaux, il suffit de ton nom, la reine. D'un côté les rentes, de l'autre les fardeaux. Le monde sera moins malheureux quand tu auras disparu. Pardonnez-moi, j'ai voulu m'amuser un peu, peut-être un peu trop. Maintenant, il est temps que je parle. Je ne suis pas la reine, je peux le prouver tout de suite. Il y a ici quelqu'un qui peut témoigner pour moi. Qui? Lui, votre interprète. Reine, t'en vas pas. Lui, il me connaît très bien, mais je suis tout autre chose que la reine. Je suis une pauvre femme qui fait des sourires aux logeuses et qui trafique avec des bulletins de presse sur gage. Il doit y avoir un malentendu. Cette femme doit être folle. Je l'ai jamais vue. Ray, regarde-moi. Je vous regarde. Je l'ai jamais vue. Monsieur. Non, mon ami a peur que j'ai poussé la plaisanterie trop loin, n'est-ce pas? Reine ou pas, ami ou pas, il doit penser que vous avez besoin d'un certain nombre de fusillés, alors il cherche à se défiler, tout simplement. Mais je me doutais que vous diriez ça, mais je ne peux que confirmer que je ne vous connais pas. Moi? Et cet individu qui ne me connaît pas, nous nous sommes tenus chauds pendant tout un hiver. Je suis venu ici pour le retrouver. Enfin, vous nous avez vu parler ensemble tout à l'heure. Ça, c'est exact. Elle me paraissait un peu suspecte, alors j'ai essayé de la travailler, mais je ne sais pas qui elle est. Madame, je regrette de ne pas pouvoir vous aider. Il est peut-être vrai que cet homme et moi, nous ne nous sommes jamais connus. Mais ça ne nous donne pas le droit de commettre une erreur ridicule. S'il vous faut absolument un cadavre pour pouvoir dire partout que la reine est morte, mais cherchez-en un pur semblant. Tant d'idiots, moi la reine, avec cette voix, avec ce châssis, avec un passé comme le mien, Ray. Ray, m'appelle. Je suis prêt à parier que votre ami est déjà loin et qu'il court dans la montagne comme un lapin. Monsieur, il y a quelqu'un d'autre qui peut témoigner pour moi. Qui? Tout à l'heure, nous étions deux voyageuses ici dans cette pièce, moi et une autre femme. Oui? Une paysanne. Oui? Et où est-elle? En fuite, mais elle ne doit pas être bien loin. Cette femme pourra vous dire que vous vous méprenez. Et vous aurez ce que vous cherchez. Vous la trouvez, là. Dans les montagnes? Oui. Et t'as remarqué que de vos témoins, l'un vient de s'enfuir et l'autre s'est déjà enfui. Mais madame, nous vous avons réservé une surprise. Votre paysanne est ici, elle n'a pas marché bien loin. La voici. La reine entre. Inutile. Je savais qu'il me reprendrait. Ce moment qui me faisait si peur est arrivé. Je crois qu'ils n'auront plus le temps de me faire du mal. J'ai réussi. Je me moque d'eux maintenant. Adieu, ma chère amie. J'avais tellement peur. Ça va mieux. Tout lui faisait peur, sauf le poison. Vous l'avez tué. Vous n'avez plus de complices. Parlez! Il n'y a plus personne avec vous. Vos jeux sont faits, madame. Parlez! Mais nom de Dieu, allez-vous parler? Il ne sera pas dit que vous ferez baisser les yeux à tout le monde devant vous. Il y a encore quelqu'un qui ose vous regarder en face. Oui! Oui, je suis la reine. Elle a avoué. Amos, ton réquisitoire, vite! Que cesse le malaise, il faut éliminer sa cause. Pour que cessent les troubles, il faut éliminer les fauteurs. Cette élimination, je ne vois qu'un seul moyen de la rendre définitive. Les révolutions ne connaissent pas d'autres méthodes qui joignent la prudence à la rapidité, ni d'arguments plus persuasifs, ni d'autres procédés qui scellent plus hermétiquement les bouches dangereuses. Et immobilisent les mains d'adversaires d'une manière plus décisive! La révolution décide que la reine doit mourir. La sentence sera exécutée cette nuit même. Voici immédiatement le quatrième et dernier acte de La Reine et les Insurgés. L'action se déroule un peu plus tard. Au lever du rideau sont en scène Argia, qui est assoupie, et Maupas, qui se tient dans le fond. Quelques instants, et Amos entre. « Madame, je viens vous informer que la sentence sera exécutée sous peu. Un messager doit partir dans la nuit pour annoncer cette exécution à mon gouvernement. D'ailleurs, nous devons tous quitter cette zone dans le courant de la nuit. Cela aussi fait partie des nécessités imprévues de la guerre. Oui, oui. Je tiens à vous dire que tout espoir de résistance est exclu. Une intervention des fédérés serait inefficace. Nos dispositions sont déjà prises pour que la sentence soit exécutée à la première alerte. Il n'y a pas d'autre raison à votre visite? Si, il y a une autre raison, elle est assez grave. Pour que vous puissiez considérer tout le reste comme un simple préambule. Dites. Croyez-vous vraiment que la Révolution se serait montrée si patiente avec vous au cours de nos discussions et qu'elle aurait insisté pour que votre procès soit tenu dans des formes à peu près légales s'il n'avait pas un but précis à atteindre? À savoir. La Révolution veut être irréprochable jusqu'au bout. Je suis venu vous annoncer que vous pouvez demander votre grâce. À qui? À nous. La demandez-vous? Je la demande. Bon, la nuit est fraîche, elle a un peu tempéré votre fierté excessive. Bien entendu, cette grâce dépend de certaines conditions. Lesquelles? Oh, des futilités, question de forme. Mais avant de vous les exposer, je voudrais que vous saisissiez d'une manière très concrète ce qui vous arriverait si cette grâce ne vous était pas accordée. Soit l'imagination se réfugie souvent dans le vague, dans votre cas, une vision précise est préférable. Il y a là-dehors une esplanade caillouteuse. En sortant d'ici par cette porte, vous y verriez des soldats en armes. Vous avanceriez dans leur direction, vous tomberiez. Et peu de temps après, l'aube illuminerait un univers tout semblable à lui-même, sauf que vous en seriez absente. Voilà. Les conditions? Votre signature au bas d'un papier concernant les événements de ces dernières années. Les témoins attendent. Entrez. Un papier. Un papier de quel genre? Vous reconnaissez avoir conspiré, fait appel à l'étranger contre la patrie, vous êtes rendu coupable d'actes illicites, de conduite malhonnête, etc. Sans plus, ce sont des mensonges. En outre, vous nous fournirez quelques renseignements, mais... nous en reparlons. Ce papier est prêt? Le voici. Ah, j'ai oublié de vous annoncer une nouvelle. Votre complice soi-disant interprète n'a pas réussi à s'enfuir. On a dû tirer, il a été touché assez gravement. Sans doute espérait-il survivre pour obtenir son pardon et il employait ses derniers moments à vous trahir, avec beaucoup plus de détails que précédemment. Il a de plus confirmé toutes ses premières accusations. Rhin, le pauvre. Il avait les yeux d'une belle couleur, agréable à regarder. Il s'en est donné un mal pour les tenir ouverts sur le monde, un mal inutile et adieu. Ce tourbillon emporte toutes les feuilles. Oui, madame, question de saison. Des gens réunis hier dans des salons dorés peuvent se retrouver aujourd'hui au grand complet en enfer. Quant à l'autre complice, votre paysanne, elle a pu du moins vous saluer avant le départ. Oh, elle était épouvantée, sans défense, elle ne rêvait plus que de sommeil profond. Et adieu. Bon, ceci pour vous dire, madame, que vous restez seule, mais vous avez la chance, vous, d'être vivante. Alors tâchez de le demeurer. À notre époque, il y a si peu de frais. C'est déjà un joli bénéfice. À vrai dire, je ne sais plus très bien si j'ai envie d'être gagnante ou perdante. Monsieur le commissaire, vous me prenez pour une idiote? Vous croyez me tromper? Non! Je sais parfaitement que cette aventure est sans issue. Vivre pour raconter des histoires de leur genre, c'est déjà difficile pour les témoins. À plus forte raison pour les personnages même du drame. Non! Non, ça ne serait pas très malin de votre part de permettre à la reine de s'en aller. Et si le peuple se mettait soudain à embrasser le bas de sa jupe, et si elle-même racontait ce qui s'est passé vraiment autour d'une telle signature? Objection sensée, prévue d'ailleurs! Elle explique le courage que vous avez montré jusqu'à présent, un courage qui aurait été pour nous une humiliation, une gifle. Si nous n'avions compris qu'il était totalement gratuit, faux, facile, comme je pense du reste que sont toutes les sortes de courage. Oui, vous avez cru avoir tout perdu, madame, et la fierté de vos gestes ne vous coûtait rien, fort bien. Mais voici que je viens vous dire au contraire que rien n'est perdu pour vous. La révolution a tout intérêt à vous garder vivante. Vivante et libre de vos mouvements, vivante et flétrie. Comprenez-vous maintenant? Elle le reconnaît. Elle vous veut d'abord méprisable, puis négligeable. Et pour finir, non plus une reine, mais une femme. La révolution veut vous arracher à vos marbres et à vos tapis et vous obliger à faire l'apprentissage des sourires pathétiques de la misère. Les sourires pathétiques de la misère, quelle jolie phrase, comme ça sonne bien. Oui. Les plaisanteries du barman, qu'on écoute d'un air apparemment attentif. Les mauvaises humeurs de la logeuse, qu'on craint et qu'on flatte. Et qui pourrait croire qu'une femme d'une telle naissance, d'une telle âme, toute pureté, tout honneur, ait pu signer un pareil papier, se salir de cette manière? Personne. Vous serez bien obligé de le croire, puisque nous en apportons les preuves. Comme je vous l'ai dit, vous nous fournirez quelques renseignements. Certains renseignements que vous êtes seul à posséder. C'est d'après eux que nous agirons. Ainsi, tout le monde saura que c'est vous qui nous les avez donnés. C'est donc ainsi que vous vous la réservez à vos fins, cette pauvre reine en disgrâce, tandis que ses amis devront l'arracher de leur cœur. Ce serait tout de même un sursis, madame. Seulement voilà, nous en arrivons au point important. Laissez-nous, toi, reste là. Ses amis à vous, afin que nous puissions prendre des mesures pour vous défendre, il faut que vous nous donniez leur nom. Si, si, vous les connaissez, je l'ai vu là, je l'ai lu dans vos yeux. Vous avez entrevu le salut, vous savez maintenant qu'il est à votre portée. Là, là, dans votre mémoire. Bon, primo, l'intérêt de la révolution est évidemment de vous laisser vivre afin que meure votre prestige. Secondo, il lui est indispensable de connaître les noms de vos partisans. Alors ces deux points concordent et pour vous, c'est le salut. Vos déclarations déclencheront une grande opération de nettoyage et nous rendrons tous ces gens définitivement inoffensifs. Alors qui sont-ils? Où sont-ils? Comment s'appellent-ils? Vite, donnez-moi leur nom. Vous avez bien baissé la voix, soudain. S'il me l'a demandé, vous donne un certain malaise que ne devrais-je pas éprouver, moi, à vous les livrer. Non, non, ce n'est pas une action, voyez-vous, dont on puisse se vanter. Malheureusement, je ne connais pas leur nom. Non seulement vous les connaissez, mais vous avez déjà pris la sage résolution de me les dire. Il vous faut cependant me les faire attendre un peu, n'est-ce pas? C'était à prévoir et je ne refuse pas de vous aider. Vous savez, l'idée qu'on se fait de l'honneur entre elles de ces exigences. Vous ne demandez qu'à être persuadé. Vous voulez que je vous livre ces hommes? Ils ne s'attendent certainement pas à ce genre de récompense. Mais madame, ils sont misés sur une carte dans leur égoïsme et voulaient servir de vous. Enfin, les connaissez-vous personnellement? Non. Les aimez-vous? Non. Êtes-vous liés par la gratitude? Non. Alors, serait-ce une idée politique que vous accepteriez de vous immoler? Moi, je n'ai aucune idée politique, je vous l'ai déjà dit. Bon, alors, pensez-vous à votre réputation, à votre renommée? Allons, madame, allons, allons, allons. Ne vous laissez pas guider par la littérature, mais par la nature. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle a peur de la mort. De cette façon seulement, vous serez sincère et par conséquent respectable. Bon, et maintenant, messieurs, taisons-nous. Silence! La reine va prendre sa décision. C'est donc à ma décision que tout est suspendu. Des messagers se prépare à l'annoncer par-delà les montagnes. C'est pourquoi vous n'avez pas une minute à perdre, mon pas. Voilà, tout est prêt. Tout est prêt. C'est bien qu'ils attendent. Je suis donc une personne qui peut faire attendre. C'est la première fois que ça m'arrive. J'ai la possibilité de dire oui ou de dire non. Madame, il nous reste peu de temps. Oh, vous n'obligeriez pas la reine à se presser, n'est-ce pas? La reine. Aujourd'hui seulement, je saisis tout ce que ça peut signifier, être reine. Obéir à quelques flatteurs et commander à une masse de sujets. Au contraire. Être reine, c'est être vraiment seul. Être perdu, en avant de tous. Avoir abandonné tout compagnonnage, voir disparaître amis et ennemis de même. Tout devient extraordinairement simple. À vrai dire, cette pièce est un palais. Votre inimitié, une forme de respect. Vous n'êtes qu'un de mes sujets, un sujet rebelle. J'ai le pouvoir de dire oui ou de dire non. Il faut pourtant payer ce pouvoir d'un certain prix. Le seul que je puisse payer. Mais c'est assez beau, voyez-vous, que je puisse vous parler ainsi. Et à la fois me sentir respirer si librement. Et sentir battre mon cœur si calmement. Vous claquez des dents. J'ai froid, l'aube approche. Je ne crains que la fatigue, la nuit a été pénible. N'éprouve même pas d'antipathie pour vous. L'orgueil a sa tactique, n'est-ce pas? Oui, c'est bien ça. Mais madame, cette attitude de créature d'exception, cette fierté grâce à laquelle vous comptez garder vos distances, ne fait pas partie de vous comme votre peau. Mais ce n'est qu'un vernis, tu as l'habitude, cette habitude de révérence d'un palais tout entier, courbé autour de vous depuis votre naissance. Et maintenant, donnez-moi ces noms. J'aurais voulu voir ce qui serait advenu de tout ce vernis. Si vous aviez dû habiter certains logis que je connais, faire cuire un œuf sur un réchaud à alcool, si vous aviez dû sortir le soir avec un petit manteau graisseux et vous coller sur le visage un beau sourire pour amadouer le patron de la laiterie. Oui, oui, madame, c'est exact. Vos yeux n'ont pas les mêmes regards que les nôtres. Et si nos pensées sont un peu grossières, inconsistantes, jaillissent de la masse, n'allez pas croire cependant qu'elles sont tellement différentes des vôtres. Il suffira de le gratter, ce vernis. Bon, allez, courage maintenant, courage. C'est non. Mais de quelle part vous croyez-vous faite? Si je vous tordais le poignet, vous vous mettrez à crier, tout comme nous. N'avez-vous jamais vu, madame, de petits vers blancs dans un jambon pourri? Non. Ils sautent comme des ressorts, ils se démènent comme des fous. Petits comme ils sont, ils veulent vivre, se nourrir, se reproduire. Eh bien, c'est exactement ce que nous faisons, et vous aussi. Que nous faisons tous, tous, d'égale manière. Avoir de la personnalité, de la volonté, du mérite, de quoi en être fier, allons donc, tout ça n'est que lingerie fine. Il suffit de déshabiller un peu les gens. Et c'est justement ce que nous proposons de faire. Allez, allez, allez, allez, descendez, descendez de votre trône en contreplaqué. Laissez-vous vaincre par vos instincts, tremblez de peur. Ce sera votre manière de vous débattre. Et maintenant, donnez-moi ces noms. Votre conclusion, c'est que si une femme moins fortunée s'était trouvée ici, à ma place, une de celles qui font cuire un œuf dans leur chambre, elle aurait eu quelques mérites à être courageuse. Il y avait une fois une femme à qui on fit une mauvaise plaisanterie. Oui, c'est une histoire qu'on m'a racontée. Par un beau dimanche, elle était descendue à la mer. Des baigneurs, pour s'amuser, et sachant à qui ils avaient affaire, lui ont donné un costume de bain qui, aussitôt mouillé, devenait transparent. Les gens ont bien ri. Tout à coup, elle s'est aperçue qu'on la regardait. Et ça commençait à faire du bruit sur la plage. Elle était donc là, au milieu de tout ce monde, pour ainsi dire... nu. Seule et nue. Elle est restée un moment décontenancée. Et puis, savez-vous ce qu'elle a fait? Elle s'était forcée de rire, elle aussi. Ah, après tout, qu'est-ce qu'on voyait? Quoi? Qu'elle était une femme? Mais on sait bien ce que c'est qu'une femme. L'homme arrive en joie, avec ses grosses mains moites, et il dit, fais ceci, mets-toi comme ça, penche-toi plus bas, encore plus bas. Bien, je pense qu'il arrive un moment où on doit se redresser et dire, vous, là, mais pourquoi m'offensez-vous ainsi? Et moi, bon Dieu, comment ai-je jamais pu vous le permettre? Mais laissez-moi, c'est, allez-vous-en, laissez-moi, respectez-moi, vous me devez le respect, car je suis la reine. Et mon destin est ailleurs. Ce que je veux, c'est voir au beau matin la mer, sa couleur, une couleur qui fait battre le cœur. Un homme me fixe du regard, puis un autre, et encore un autre. tous grossiers, comme d'habitude. Mais pour moi, ce matin, personne n'existe. Je n'éprouve même plus de gêne. Sur mon visage ne se lit plus que de la dignité. Je suis enfin comme j'ai toujours désiré être. Et au fond, c'était très simple. Les palais n'y sont pour rien. Il suffisait de le vouloir. C'était ma faute. À moi. Vous voulez nous faire entendre par ce discours que vous ne résistez ? C'est bien, madame. Dans ce cas, vos angoisses ne sont pas terminées. C'est vous qui me forcez la main. Maupas entre, tenant un enfant à la main. Laissez-nous, toi aussi. Qui est-ce ? Celui qui vous persuadera. Je ne le connais pas. En effet, vous ne le connaissez pas. Nous avons eu même beaucoup de mal à le retrouver. Non, je vous jure que ce n'est pas mon fils. Je vous jure que ce n'est pas mon fils. Je ne suis pas sa mère. C'est un bel enfant. Il pourra grandir et vivre, petit paysan inconscient. À moins que la protection dont vous couvrez certains séditieux ne nous contraigne à éliminer en lui le prétexte de séditions futures. C'est dans une telle profusion de sang, quelques gouttes de plus ne feront pas basculer la balance. Vous avez le choix, madame. C'est ce que vous vouliez, n'est-ce pas? Ça dépend de vous. Ce n'est pas mon fils. Ce n'est pas mon fils. Je vous jure. Choisissez, madame. Choisissez. Ça dépend de vous. Le poids de cet enfant met un terme à vos envolées. Oui, bien sûr, il vous ramène sur terre. Même les renards des bois aiment leurs petits. La réalité, la voilà. Tout le reste n'est que fumée. Choisissez selon la nature, madame. Personne ne vous condamnera. Sinon, vous seriez capable de commettre un tel crime. Madame, je ferai ce qui est nécessaire. Les repas ordinaires sont pour les cas ordinaires. Par suite de vos déclarations, beaucoup de sang peut être versé. Mais il vous est étranger. Ici, peu de sang, mais chaud. C'est le mot. Comment un cœur humain peut-il contenir tant de haine? Je n'éprouve aucune haine. Mais il est trop tard pour vous faire un coup. Moi aussi, j'ai choisi en temps voulu. Là où tombe le rocher, doit aussi tomber celui qui l'a poussé. Mon Dieu, mais comment pouvez-vous violer des lois aussi sacrées? Je vous dis que ce n'est pas mon fils, mais emmenez-le. Mais comment pouvez-vous vous croire autorisé à agir de la sorte? Mais au nom de qui? De quel droit? Au nom de qui? De quel droit? À mon tour, je vais vous raconter une histoire. Quand nous avons abattu le régime, j'étais moi-même au palais. Un accord avait été conclu. Notre victoire était totale et pacifique. Cependant, quand nous sommes trouvés dans les salles, nous avons voulu du moins détacher les écussons, les anciens. Nous avons commencé à les déclouer. Un homme frappé à grands coups sur un trophée, peu à peu sur son visage, vu monter comme une sorte de lueur. Dans la rue, la foule hurlait. Soudain, l'homme brise le trophée, il se tourne, il était en sueur. Il l'ensage dans une glace, on l'imite. Et c'est alors seulement qu'ils sont mis à tous attachés. Tout cela aurait été bien mesquin, madame, s'il ne s'était agi que de prendre quelques pièces de monnaie dans la main potelée d'un mort pour les placer dans celle un peu crochue d'un vivant squelettique. Non! Cette fureur qui jaillit d'un coup comme le pétrole noir, le sel des grandes profondeurs, c'est une toute autre douleur, madame, qui l'a distillée. C'est le souvenir d'une trahison bien différente. Elle s'est pas seulement déchaînée contre vos dentelles ou le magot du fermier. Elle hurle non! À tout ce qui est, sa colère contre tout, son désespoir de tout. Cette fureur dit non à l'univers. Elle dit que ce monde est un raté, une immense bourde, un engrenage, un camp insensé qui nous conduit, vous et moi, à dire et à faire ce que nous sommes en train de dire et de faire. Cette fureur dit non. Stérilisation totale. Tout à l'égout, justice, injustice, loyauté, trahison, mérite, faute, honneur. Tout ce qui fait de nous des propriétaires vaniteux et avides. Dans la vie, dans la mort, tout cet amas de pièges. Cette monstrueuse duperie. Et maintenant, donnez-moi les noms. Les noms, oui. Mais vous le tuerez quand même, bien sûr. Pauvre petit. Personne ne le veut. Sa mère l'a fui et moi je n'ai rien trouvé d'autre à dire qu'emmenez-le. Seul. Tout seul. Quel trésor. Comme il est sage. Mon petit ange, ta maman ne viendra pas voir si tu dors. Elle ne dira pas en te regardant courir comme il a grandi. Il n'a pas sommeil du tout, lui. Oh non. Non, non, il n'a pas peur non plus. Non. Non, il est bien. Il est au chaud. Monsieur, je m'étais trompée. Je croyais que désormais tout serait simple. Peut-être dois-je vous obéir et vous donner ses noms. Attendez, je... ses noms. Oh, je suis confuse. Un miracle, monsieur! Un miracle! Je les ai oubliés. Peut-être suis-je trop bouleversée. Peut-être suis-je un peu aidée. Cette épreuve n'était pas à nous. Ainsi finit notre lutte, il ne reste plus qu'à terminer ce qui a été commencé. Madame, si vous croyez à la survie de votre âme et désirez vous confesser, on peut vous entendre. Oui. Oui, je le désire. J'ai fait un usage bien triste et bien imprévoyant de mon corps, de mes paroles, de mes pensées, et en général de toutes les années de ma vie. J'en ai attribué la faute aux autres alors que j'en étais seule responsable, mais je l'ai compris trop tard. J'ai souvent menti. Et encore maintenant. Qui es-tu? Quel est ton vrai nom? Je crois que dans quelques instants, le Seigneur ne me demandera pas de nom, mais le bénéfice de ma vie. Le seul bénéfice que j'en ai retiré, je l'ai gagné cette nuit. C'est donc pas les mains vides que je vais aller vers lui, mais avec une petite pièce de monnaie. Petite, mais bien à moi. Ni un cadeau, ni un héritage. Bien à moi. Voilà ce qui fait de nous des propriétaires et des rentiers. Oh, je suis encore en train de pécher parce que je suis un peu fière de ce que j'ai fait cette nuit, mais c'est la seule chose de ma vie que je puisse raconter. Il faudra bien que d'ici peu, je rencontre quelqu'un qui m'écoute. C'est l'heure. Oui. L'enfant retournera où il a vécu et personne ne sait qui il est. La sentence sera exécutée immédiatement. Aussitôt après, on annoncera qu'une femme, dite la reine, est morte et que par conséquent, notre gouvernement détient la victoire, l'action des rebelles n'ayant plus désormais aucun but. Dieu nous a voulu révolter, sinon tout était inutile. Il nous a créés différents de lui, un peu orgueilleux pour que nous puissions lui résister, le nier, l'étonner. Voilà peut-être la raison. C'est une longue lutte. À la fin seulement, nous nous réconcilions avec lui, nous nous reposons en lui. Je m'en vais, mais riche, j'ai un fils, des souvenirs. Si la mémoire survient un peu, cette nuit pour moi sera lumineuse. Comme le ciel est serein par-dessus les montagnes, c'est un palais de roi, une vie royale. Nous y attend. Elle sort par le fond. Amos met ses mains sur les oreilles de l'enfant. Le Marie d'Auton. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la radiodiffusion télévision française vient de vous présenter, en transmission différée, la pièce donnée actuellement au Théâtre de la Renaissance à Paris, dont Madame Vera Coren est la directrice. Vous avez entendu présenter par les spectacles Lombroso, La Reine et les Insurgés, pièce d'Hugo Betti, adaptée par Yves Brinville. Voici quelle en était la distribution. Edwige Feuillère, Argia. Michel Witold, Amos. Michel Piccoli, Rem. Pierre Leproux, Le Portier. Michel Salina, Biante. Max Dejean, Maupa. Maria Pacôme, La Reine. Et Maurice Nazil, L'Ingénieur. Avec, dans les rôles des voyageurs et des paysans, Michel Kéris, Yvonne Selmy, Jean-Daniel Herman, Maurice Piala, Tasso Yanni, Daniel Mandaille, Pierre Cray et Guy Dessalier. La mise en scène était de Michel Witold, administrateur général Germaine Camoletti, régisseur général de la scène Albert Robin. C'est André Rançon, nous vous le rappelons, qui assurait la présentation du spectacle.